Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonjour la France, bonjour Montargis, c'est la fucking kermesse. On aurait aussi pu s'appeler L'amour est dans ma mère, sur toi Noël, mais ce n'est pas très sain. Voilà, ouais. Ça c'est vrai. Il y a autour de la table, comme à l'accoutumée, Steven. Bonjour Steven. Salut. Bonjour Zaza. Salut. Et on a un invité exceptionnel, plus fort que Enrique Macias, qui était parrain à la Star Academy 1, souvenez-vous. C'est un peu notre parrain lui aussi, c'est Oupi. Bonjour Oupi. Bonjour, je suis aussi mal coiffé que lui par contre. Mais... ça vous ne le savez pas. Et comment sont les filles de ton pays, la Elles sont très jolies. Très bien. Le ton est donné. Donc c'est une FK sur l'amour dans le jeu vidéo, pour ça qu'on s'est armé d'un spécialiste en amour et en jeu vidéo. Ouais, et en mauvaise blague visiblement aussi. Donc voilà, c'est pour ça que Coupi nous accompagne. Et on est très content. On est ravis, on est survolté. Ouais, parce que quand tu dis survolté, dit-il en s'ennuyant et en lisant ses notes sur son iPhone. Ne révèle pas les coulisses. Les gens ne savent pas. Le thème, c'est l'amour de jeux vidéo. On aura un thème avec des axes, ça s'est très bien préparé. On a passé au moins. Ça fait 10 ans qu'on prépare ce podcast en fait. Le temps de découvrir l'amour un peu, de voir un peu comment ça marche et tout ça. On a hésité à le kickstarter, on s'est dit non, finalement on va faire ça comme ça. Et ouais. Voilà, donc avant ça, il y a un roule plateau, il y a une petite intro, on va parler de choses et d'autres. Et il y aura aussi des chroniques, évidemment, de l'anachronique de Steven, très préparé aujourd'hui. Il l'a écrit de fond en comble. Non, mais je l'ai beaucoup préparé, mais je l'ai préparé, voilà. Ok, merci Steven, merci. Ça va être incroyable, les éclaircissements. Merci pour ce duplex, on repasse du coup sur le plateau. Non mais je tiens à garder un peu de secret. Moi je vais faire un quiz. Ah ouais. Mon seul moi est le secret, je peux dire qu'aujourd'hui il est plutôt gratiné. Même si comme à l'accoutumée. On dit plutôt gratiné, mais c'est pas grave. Non, parce qu'au siècle dernier, ça passait mal. Moi, c'est d'ailleurs qu'il a dit, c'était Nietzsche. On est des historiens de l'expression. Voilà, et il y aura aussi une vie Patrick faite par Zaza. Oui. Une vie Patrick militante, une vie Patrick controversée. Ou alors une vie Patrick censurée, on verra plus tard. Non. Il y aura peut-être ces temps de disette, on ne censure rien, monsieur. Ouais, on ne censure rien. Bon, on va commencer du coup l'introduction. Qu'est-ce qui se passe de nouveau avec la fucking kermesse? Il devait y avoir un épisode de Noël, il n'y en a pas eu. Je parle beaucoup trop vite. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode de Noël? Alors, parce que, en grande partie, parce que t'es un gros con. c'est l'explication courte. Voilà. La version longue, c'est qu'on a dit plein de choses qui n'étaient pas intéressantes. Pas toutes bonnes à dire. Et d'autres choses qui étaient répréhensibles par la loi française. Voilà. Vous avez pendu un Père Noël? On a pendu C'est des faux, hein, c'est des mecs qui travaillent, ils essaient de gagner leur vie, mais on a pendu l'esprit de Noël en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, surtout, c'était, on n'était pas très fiers de nous, quoi. Moi, j'ai réécouté l'émission, j'étais triste pour nous-mêmes, donc on a décidé de pas la diffuser. Voilà, on préfère vous donner de la qualité avant tout. Hein, voilà. C'est notre credo de la qualité, de la qualité, de la qualité. bref, j'avais pas d'autre idée. donc pas des fêtes de Noël, mais c'est pas grave, on revient plus en forme que jamais. Oui, on du s'en coup. Fout. Autre grande nouvelle, on est sur iTunes. Enfin. Après des mois à militer, à faire des sit-ins devant le siège d'Apple, à faire des grèves de la faim, surtout moi. Ouais. Beaucoup relayé par les médias d'ailleurs. Oui, parfois j'allais pas au McDo parce que j'étais triste. On n'est pas sur iTunes, ça me plaît pas du tout. Tu fais la grève de la faim dans un restaurant végétarien, c'est ça? Aujourd'hui je prendrais pas de double cheese en plus. juste un Big Tasty. Donc on est sur iTunes, c'est la F Kermesse. Donc vous tapez Kermesse, vous nous trouverez. Il y a tous les épisodes. Mettez-nous 5 étoiles s'il vous plaît. Alors si vous tapez Kermesse, vous allez nous trouver nous et puis des podcasts mexicains aussi. Voilà, mais c'est nos podcasts jumeaux. On est jumelés avec eux. Jumelé avec Pablo et tous ses frères. On les embrasse, hein. Como estas, mi amigo. Voilà, 12 L3 en espagnol. Quand même, wow. S'il vous plaît. Merci. Bon et autre nouvelle un peu plus triste cette fois-ci. En s'il vous plaît, le monde se calme. Moi-même, je me calme aussi. JD nous a quittés. Il est parti pour un monde meilleur. Ouais, il est pas mort, hein, mais c'est tout comme. Il croit aux forces de l'esprit. Il prépare l'agrégation. Et du coup, il a dit ouais, le podcast, j'ai plus trop le temps. Voilà. J'ai ma mais vie. Il reviendra. Il reviendra, mais comme Gandalf, il viendra vers nous en ces temps difficiles. Voilà. Et ce sera très beau. Il reviendra de temps en temps en tant que chroniqueur exceptionnel. Voilà, Finkielkraut reviendra, notamment. Évidemment. Et ce sera beau. Mais il sera plus là tous les soirs, tous les jours avec nous. Et c'est triste. On t'embrasse, JD, où que tu sois. On Zombie. Pense à toi. Tous les soirs. Vous faites des émissions tous les soirs. Vous en diffusez fort peu alors pour des mecs tous les soirs. Il y a beaucoup de déchets. Même d'autres qu'on diffuse d'ailleurs. En mais fait, bon. Chaque émission est un medley de tout. C'est ça. Et on va maintenant commencer par le roule plateau. Voilà, avec force fracas. Le roule plateau donc, super. Qui commence Steven, tu non, sens non, bien non, chaud non, non, Oui, bah, d'accord. Je te sens super chaud. Non, mais en fait, moi, je suis allé voir un film hier. C'est bien. Et c'était ouais. comme... Alors, c'était à quelle heure? C'était. Est-ce que c'était le même fois où on était voir un film, mais tu t'es trompé dans l'horaire, du coup, on n'a pas vu le film? Non, c'était pas ce jour-là. Quelle okay. anecdote fascinante. Merci. Bah, j'en ai plein. J'espère comme ça. Que t'en as plein. Oui, oui. Bah, super. Ouais. Alors, l'anecdote c'est... la plus mystérieuse du monde. On ne sait pas quel film c'était, on ne sait pas quelle heure c'était, on ne sait pas trop pourquoi. De savoir. C'est ça la question. Moyen. Non, donc, Steven, ton film. Je vais voir Souvenir de Marnie, qui est un animé du. C'était Marnie Ghibli. Et ouais. Marnie. Alors, c'était Marnie dernier, je crois, non? Ok. Je ne vais pas prononcer le nom du réalisateur par respect pour sa personne. Non, je ne l'ai pas ouais, non plus, voilà. Tu me regardes, maintenant c'est pas la peine. Non, d'accord. Non, je vais pas prononcer son nom parce que je l'ai là, mais je ne suis incapable de allez, fais-le, les gens le savoir. Non, ils iront sur Allociné comme tout le monde. Et donc, Souvenir de Marnie, donc le dernier Ghibli en date, qui est pas mal, mais très perturbant. Enfin, il y a des tentacules. Alors, déjà, ce réalisateur. Qu'est-ce que t'as dit? Il a demandé s'il y avait des tentacules. Moi, je tiens à ce que ça ne passe pas inaperçu. Voilà. C'est pas trop l'esprit Ghibli, hein. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ça a changé quand même. Ce réalisateur, c'est son deuxième film. Il avait déjà fait Arrietty. C'était très bien, Arrietty. Très bien. Et celui-là est assez perturbant parce que je trouve que par rapport au Ghibli habituel, il se passe dans un monde très contemporain avec des problématiques très contemporaines. D'une adolescente asthmatique qui sent pas bien dans sa peau et qui a des problèmes avec, on va dire, avec le genre en général. D'accord. Et voilà, et en gros, pour pas spoiler l'histoire... Parce ouais, s'il te plaît, parce que je compte aller le voir demain, donc le spoil ouais, est pas non, trop. Non, pas du tout. Mais pour juste développer l'histoire, elle va à la campagne pour soigner son asthme, comme tout le monde. Oui, et bah, tous les gens à la campagne sont asthmatiques. Hein, donc et voilà. Elle rencontre une petite blonde mystérieuse. Très et voilà. Bien, et là, il se passe plein de choses. Les tentacules. Ah, tu m'as vendu du rêve. Bah moi j'ai bien envie d'aller le voir aussi. Mais le film repose vraiment sur des mystères, donc je peux pas vraiment développer. Mais toutes ces problématiques contemporaines, je les trouve très perturbantes dans un Ghibli. Mais le dernier de Miyazaki était aussi très contemporain. Ouais, il se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y avait déjà une histoire d'asthme à aller soigner à la montagne pour le coup. Ouais. Ah, c'est vraiment une récurrence dans l'œuvre de Ghibli. C'est ça, c'est les femmes qui sont en train de mourir de l'asthme et qui rencontrent des blondes mystérieuses. Un lobby des aérosols. Mais ce film a fait une vraie respiration, je crois, au cinéma de Ghibli. Ouais. Voilà. Et dans la salle, il y avait beaucoup de monde. Non mais pour un animé un samedi soir, un vendredi soir, je ne sais plus. Et ben il y avait beaucoup de monde. Oh, mais c'est quand même Ghibli, les mecs, ils ont une aura démentielle. Mais il y a de plus en plus de monde. Ouais. Surtout que maintenant que tu sais que Miyazaki va arrêter de faire des longs métrages, je pense que les mecs sont d'autant plus curieux de voir quel genre de films vont pouvoir projeter au cinéma sans le mettre à penser en fait du studio tout simplement. Ouais. Non mais c'est sûr. Ouais. Et donc l'héritage est assuré, la relève fonctionne quand même bien. Bah, je te dis, ce film-là en particulier est assez perturbant, donc c'est intéressant parce que du coup ça renouvelle un peu. On n'est pas dans les problématiques de la mythologie japonaise habituelle. Mm. On est vraiment dans. Et on sent qu'il est un peu calibré aussi pour le marché mondial. Ouais. Très bien. Bah, merci pour cette découverte. Voilà. À toi qui, je sais pas. À toi, Oupi. Allez, banco. Alors, moi, je vais vous parler d'un garçon qui stream des parties de Hearthstone depuis des années déjà. Hein, je vous dis ça, enfin des années, depuis au moins un an. C'est un garçon qui s'appelle Trump. C'est un asiatique, il est Donald. Californien. Non, c'est pas exactement le même. Il est plus sympathique. Il est plus sympathique. Et donc, c'est un garçon qui est extrêmement extrêmement bon, que moi je trouve super bon en tout cas, qui fait beaucoup de. Il a une approche très didactique du jeu. Il vous apprend vraiment comment construire des decks d'arène et tout. Il fait des systèmes de vote auprès des mecs qui le regardent, en fait, quelle carte vous choisiriez à ce moment-là. Et à la fin, il lui dit, bon ben voilà, vous auriez tous choisi cette carte-là, et ben non, c'est de la merde. Et il t'explique pourquoi c'est de la merde. Et donc, ah, en fait, tu peux le regarder. Il y a des fois où je le regarde pendant 2 heures juste faire un deck d'arène. Je le regarde même pas jouer derrière, parce qu'après, il n'y a aucun mystère. Il fait 12 victoires quasiment à chaque fois. Quand il en fait 9, il est hyper déçu. Alors que bon, la plupart des joueurs moyens sont hyper contents d'en faire 9. Oui, grave. Et donc, ce garçon a une super approche du jeu. Il est surtout très sympathique, alors qu'il parle pas du tout. Ça aussi, c'est parfait. C'est parfaitement mystérieux. Cet homme est c'est le croisement entre un asiatique et un sphinx. C'est-à-dire qu'il est là, il ne bouge pas pendant un quart d'heure. Il attend. Tu penses qu'il est mort ou que le stream s'est figé. Et en fait, non. D'un seul coup, il balance toutes ses cartes et te fait. Et là, il t'explique un peu pendant que l'autre joue pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là. Donc c'est un peu curieux. Il faut regarder ça, je pense, en faisant du tricot ou un truc comme ça, une activité paisible en tout cas, parce que c'est pas un garçon qui va très vite. C'est propice à s'endormir. Peut-être. En tout cas, ça marche très très bien. Et je suis toujours étonné d'ailleurs de voir que ce mec-là n'arrive jamais à se qualifier, c'est tout à fait mystérieux pour moi, il arrive jamais à se qualifier dans aucun tournoi. Dès qu'il y a un tournoi, il est tout le temps en lice pour se qualifier et tout le temps il se plante immanquablement. Il se trompe, je crois. Il se trompe à chaque fois, effectivement. Ce jeu de mots, je pense, a été... Oh, ouais, c'est la première fois, hein, c'est la première fois qu'on le fait. J'espère bien. J'espère que c'est la dernière aussi. Et, mais je me souviens qu'il avait été invité notamment à la dernière BlizzCon, donc par Blizzard, parmi le lot incroyable de tous les streamers qu'il peut y avoir. C'est lui qu'ils avaient choisi parce que ce mec-là a vraiment une approche didactique du jeu qui est dingue, que vous soyez je pense niveau 2 ou que vous soyez un parfait noob ou même que vous vouliez découvrir le jeu, ça marche très très bien. Ce garçon est très sympathique. Bah c'est bon, moi j'irai tester du coup, avec plaisir. Essaye ça. Vas-y Alexandre, Zaza. Oh là là, ah là quel là. Manque de professionnalisme. Est-ce que la magie est tombée. La magie est rompue. Non, non, ça fait 9 podcasts, 9 mois. Hein. De quoi vas-tu parler, Zaza? Moi je vais vous parler, au risque d'être complètement mainstream, de The Interview. Que j'ai obtenu par des moyens légaux, bien sûr. Évidemment. Puisqu'il est disponible dans toutes les salles de cinéma, comme tout le monde le sait. En boîte de Lego. Ok. Ok. Super. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais me dire quel micro tu as que je le coupe? T'as des films de James Franco et de Seth Rogen, du coup. Voilà, c'est ça. Le duo. Je pense que tout le monde est relativement au courant vu la polémique qu'il y avait autour. Donc du coup, de toute façon, j'avais prévu d'aller le voir parce que je suis un grand fan des deux derniers films où t'as vraiment la bromance, entre guillemets, de. La sixième était vachement bien. C'est la fin était trop cool. Voilà, c'était la fin de ma phrase. Donc avec This Is The End et avant Pineapple Express, qui est pour moi. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens aiment How High alors que t'as Pineapple Express à côté. C'était nul How High. Bah ouais. Justement, moi, c'est incompréhensible pour moi. Mais bref, donc du coup, je suis allé voir. Enfin, j'ai vu ce film. Donc L'Interview qui tue en français. Hein, quand même. L'Interview qui tue. Voilà. Ah ouais. Gros titre ouais. De merde. Ah merde. Gros titre. Effectivement, de merde. C'est quoi, c'est un titre canadien, non? Comment ça marche? Oh là, je sais pas. Et non, ça aurait été L'Entretien qui tue. Ouais. C'est vrai. Pas un mot en anglais. J'ai trouvé que c'était un peu de la merde, hein, globalement. Ah voilà. J'ai trouvé que c'était. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu autour de cette table? Non, pas du tout, non. D'accord. C'est de la merde parce qu'il critique la Corée du Nord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, le concept, c'est que c'est deux journalistes qui animent une émission super populaire aux États-Unis, donc Seth Franco. Et James Rogan. Voilà. Très bien. qui du coup sont invités par Kim Jong-un pour faire l'interview et la CIA les récupère avant qu'ils y aillent en leur disant ouais, au fait, au passage, vous allez buter le leader de la Corée du Nord. Ce qui se fait souvent, je me souviens encore de la fois où a été mandaté pour aller tuer des djihadistes. C'était incroyable. On n'a jamais eu la fin de cette histoire, mais bon. Donc pourquoi c'est de la merde? Parce que principalement à cause de la performance de James Franco, qui est vraiment insupportable dans le cabotinage non-stop pendant tout le film. Il y va, je crois, trop Franco. Oh. Non, mais là c'est de la surenchère. C'est gratuit, il y en a marre. Pardon, parce que j'arrête de parler. Trop tôt. Et l'humour est vraiment très, très, très, très lourd. Hein. Parce qu'il y a de l'humour. Avec un sujet comme ça, il y a de l'humour. Ah, bah c'est le principe, c'est une comédie. Ouais, donc, ouais forcément, mais. c'est l'humour bien lourdingue. T'as pendant 5 minutes tout un dialogue pour savoir si, effectivement, comme le dit la propagande, Kim Jong-un fait caca et pipi, par exemple. C'est fascinant. Ah ouais. Ou alors, mais il rentre dans les détails que les gens, voilà, est-ce qu'il le fait ou pas, on sait pas. Maintenant, on le sait. Peut-être pour ça qu'il est devenu si gros, tu vois. Qu'il se retient depuis des années. Il fait de la rétention, c'est triste. Ah, c'est beau, c'est réfléchi. Il fait aussi un podcast, moi aussi, ouais. Je crois, d'ailleurs. Il ira bientôt à la campagne. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il y a eu vachement de, pression pour sortir ce film. Il a été annulé à sa sortie et tout. Enfin, ouais. il y a eu toute une histoire, un Bataclan incroyable. Et finalement, tu dis que c'est naze. Ah oui, non, mais pour le coup, c'est, eux, ils doivent se frotter les mains parce que même si, bon, il y a eu énormément de retombées avec les divulgations Ramdam, de Sony. Non, le Ramdam, c'est en juin. Mais... Non, et en fait, ça leur a fait un coup marketing de fou parce qu'en soi, le film, surtout en dehors des États-Unis, c'est un humour qui se traduit pas très très bien et ça, tu le vois dans les dialogues des execs. En fait, personne n'en voulait de ce film. C'est ça qui est super drôle, c'est que quand tu lis ce que s'échangeaient les exécutifs des différents pays, aux Pays-Bas, ils disaient non, c'est de la merde, nous, ça va pas nous faire rire. Et comme ça, dans tous les pays, c'est incroyable. Ouais. Personne n'en voulait de ce film. Ah, merde. Genre, soit c'est trop chaud et on veut pas s'engager. Soit c'est de la merde quoi. Ouais, donc il fallait au moins c'est trop nul et on veut s'en dégager quoi. Mais du coup tout le monde l'a vu donc c'est assez incroyable. Marketing, tu crées la conspiration. Enfin, tu dis que tout le monde l'a vu autour de cette table, 25% des gens l'ont vu hein, si je connais bien les mathématiques. Non, mais tableau Excel, plan, ouais, t'as vu ça. Non mais voilà, enfin ça marche pas très très bien et puis voilà, je comprends après la polémique au niveau de la Corée du Nord parce que Kim Jong-un est dépeint comme une grosse tapette, fan de Katy Perry qui chiale 3 fois pendant le film et puis t'as un gros plan sur sa tronche qui se fait exploser à la fin donc c'est vraiment c'est assez jouissif. Ils s'engagent hein, la Corée du Nord, attention, c'est pas bien quand même, voilà. Ils y vont. Ah, il y a de la dénonciation. Ouais. Non, très bien. Donc voilà, plutôt pourri. Du coup, ne le regardez pas. C'est ça. Non, voilà. Ça vaut pas le coup. Très bien. Rematez Pineapple Express. Ok, et eh bah ben, banco. Et moi pour finir, je vais parler de Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, parce que génial. J'ai enfin eu accès à la bêta mercredi et la bêta s'est lancée. Mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir accès à la bêta? J'ai coché une case. D'accord. Non, mais c'est devenu une bêta publique, non? Semi-public. Laisse-le croire qu'il est important. Je me sens un peu privilégié. Un peu privilégié, ouais. Et du coup, j'ai pu commencer. Et alors, au départ, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, c'est nul, c'est trop facile. Par rapport à LoL, il n'y a pas d'item, il n'y a pas d'XP. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et moi non plus, c'est accessible. En fait, c'est un peu le Hearthstone des MOBA. C'est accessible, mais quand même, il y a beaucoup de stratégies. Et le fait que le jeu se base beaucoup sur les objectifs autour de la map, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça donne un autre rythme aux MOBA qui sont un peu éculés avec Dota 2. Mais est-ce que LoL, c'est pas déjà le Hearthstone des MOBA? Enfin, c'est clairement axé sur l'accessibilité. Ouais, mais enfin, là, entre LoL et Heroes of the Storm, il y a quand même un gap immense, quoi. D'accord, mais Heroes of the Storm, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire que t'as vraiment aucun item à acheter. Je veux dire, tu débarques dans la partie, même si t'as jamais joué à un MOBA ou quoi, ça va paraître relativement limpide. Déjà, t'as pas besoin de pousser sur ta ligne tant que ça non plus. T'as pas besoin d'y être constamment dessus. T'as juste besoin, en fait, c'est un jeu qui te demande vraiment de suivre ton équipe quasiment tout le temps. Et juste si les mecs restent groupés, ça marche. Alors que dans LoL, tu vois, il y a un truc qui est un peu, on va dire, il y a une espèce de non-dit. C'est-à-dire que tous les mecs ont une mission. Si t'es sur ta ligne, tu dois, je sais pas, si t'es en haut, tu vas devoir pousser, attendre un gang. Ouais. Si t'es en bas, tu vas devoir te réussir tout élastique avec ton mec qui va te supporter. Enfin bref, il y a toute une espèce de, il y a un truc qui fait que chaque rôle est déjà super prédéfini dans LoL, alors que dans Heroes of the Storm c'est pas le cas. Et surtout c'est beaucoup plus simple parce que t'as plein d'objectifs qui apparaissent spontanément dans la map à des cycles donnés, on va dire. Ouais. Et qui vont apparaître et clignoter sur ta carte. Donc même quand tu sais pas quoi foutre, ce qui est le cas de beaucoup de mecs qui commencent à LoL où tu débarques dans la partie, tu sais vraiment pas ce qu'il faut foutre parce que personne te l'explique jamais. Et si jamais tu poses une question, les mecs t'insultent, voire même si t'en poses pas, ils t'insultent aussi, parce que ça fait partie du jeu. Ah ben, là tu vois, là non, là c'est relativement limpide, quoi. Le truc il clignote dans tous les sens et tu peux jouer et juste t'amuser, et ça c'est un truc très très malin, je trouve. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une profondeur malgré tout ça, parce que il y a quand même des builds à faire au niveau des caps, des talents de tes héros. Il y a quand même une stratégie sur les objectifs à faire. En fait c'est du teamwork à fond, c'est vraiment de la coopération. Ouais. C'est vachement poussé, donc c'est très intéressant. Bah, c'est-à-dire que là c'est les premières semaines, on va dire un peu ouvertes, donc c'est un peu nébuleux, mais il y a toute une méta qui est en train de se mettre en place. Ouais, comment est-ce qu'on construit les équipes et tout. Donc c'est à la fois vraiment bon pour les débutants, et puis ça va commencer à vraiment se développer pour les gros joueurs, quoi. Ouais, j'ai un peu peur de ça d'ailleurs, que le metagame commence à transformer ça un peu en LoL, dire faut prendre ça va inévitablement tendre vers un truc comme ça, mais ça restera toujours un peu moins exigeant, je pense. Non, mais justement c'est ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est au niveau de la coopération sur les objectifs, parce que c'est là que que LoL pêche le plus, et c'est ce qui fait qu'il y a une communauté dégueulasse qui se développe. C'est un jeu très solo, chacun pour sa gueule, t'as envie d'avoir un beau score, t'as envie d'avoir du beau CS, et même quand t'es en train de perdre, t'as envie de montrer que c'était pas de ta faute. Ouais, bien sûr. D'autant que là dans ce truc là, tu vois, il y a pas de niveau pour chaque personnage, en fait. T'as un niveau global de l'équipe, c'est-à-dire que toute l'XP que tu gagnes, elle vaut pour toute ton équipe. Donc tout le monde dans ton équipe a le même niveau. Ça évite surtout que il y ait un mec qui a deux niveaux de moins que les autres et qui se fasse insulter par tout le monde. Genre si on perd, c'est à cause de toi parce que t'as mal farmé, parce que t'es que niveau 12, mec. Tu vois ce que je veux dire? Juste et donc économique du coup. Il est plus de type onculatoire. C'est vachement cher. C'est 5 et 10 euros le héros. Après, tu payes ton héros? Non, tu es pas obligé. Il y a de l'argent in-game, tu gagnes, il y a des quêtes journalières pour avoir de la. C'est exactement, c'est exactement comme LoL là-dessus. C'est complètement gratuit. Il y a un roulement des héros que t'as accessible chaque semaine gratuitement. Tous les mercredis, je crois. Ouais. Et par contre, après, si tu veux garder les héros pour toi et les avoir tout le temps à dispo, soit tu dépenses de l'or que tu gagnes en jeu. Il y a moyen, mais ça monte tellement doucement, putain. Je pense que tu seras mort de vieillesse avant d'avoir un premier pool de héros intéressant. Au début, les héros étaient quand même plus chers. Après, ils en ont eu beaucoup. C'est vrai. Mais là, c'est quand même très, pour l'instant, c'est trop cher. Mais de toute façon, après, c'est Blizzard, ils ont une base de fanboys qui est juste immense, et des mecs qui vont foutre des fortunes dans le jeu, il y en a déjà plein. Je suis pas inquiet pour eux. La fanbase de Dota, elle aurait pu se reconvertir sur Dota 2, et in fine, ça n'a pas eu le succès escompté. Bien sûr, mais après. La communauté, donc c'est pas forcément. Si le modèle économique est dégueulasse, il n'y aura pas forcément le résultat attendu en face. Le modèle économique de Dota 2 est génial, tu veux dire. Tout est gratuit. Absolument tout est gratuit. T'as vraiment rien dans LoL, il faut au moins acheter tes champions, tu vois. Là, dans Dota 2, t'as rien à acheter, rien. J'ai jamais mis de la vraie thune, moi, j'ai acheté aussi une fois pour acheter quelques skins. Ouais, non, moi jamais, mais bref. Mais ouais, non, mais à part le modèle économique qui, ouais, c'est un peu long à monter, mais à part ça, le jeu est très bien et je pense qu'il joue en équipe avec des potes, ce sera génial. Donc j'ai hâte de. Ça me chauffe bien, moi. Je pense que je testerai à l'époque. Enfin. Et bah, moi, j'y ai pas joué et j'ai juste vu des images. Il a l'air très beau, en tout cas. C'est bien car la DA est cool, bah c'est bizarre. C'est plutôt joli. Après c'est une DA Blizzard, donc c'est un truc très coloré, c'est un truc, c'est beaucoup moins les mecs qui veulent du Dota 2, un truc un peu sombre et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est beaucoup plus c'est aussi coloré qu'en LoL, on va dire. D'accord. Mais avec un truc un peu plus léché, quoi. Une patte graphique bizarre. Moi, je trouvais qu'il y avait justement une esthétique très animation, très ouverte pour accueillir beaucoup de monde, quoi. Ouais, ce qui marche aussi vachement bien, c'est le fanboyisme Blizzard, c'est le fanservice, parce qu'il y a tous les héros, StarCraft, Warcraft, ouais, Diablo. Tous les champions viennent de tous les univers Blizzard. Ils sont géniaux, parce que du coup, ils te donnent envie de jouer à leurs autres jeux, en pendant que tu joues à Heroes of the Storm. Bah, bien sûr, c'est pour ça que sur le launcher Blizzard, ils te foutent deux jeux gratuits, c'est pour que t'aies envie d'avoir le launcher et qu'après, tu sois peut-être tenté de foutre du pognon dans World of Warcraft, tu vois, ou d'acheter un Diablo 3 ou des trucs comme ça. Ils sont géniaux. Ils sont en train de faire un écosystème, un tout petit Valve, tu vois, ils sont en train de faire un écosystème comme ça, mais genre fermé, tu vois. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le virage que Valve a pas pris en devenant un développeur qui sort Steam et qui édite le monde entier. Là, ils te font un truc super fermé, tu vois, mais c'est genre, c'est une forteresse de guerre. Alors, Blizzard, c'est vraiment une machine de guerre. C'est pour ça que le modèle économique que tu mettais en question tout à l'heure, à mon avis, il a pensé sur le global de l'entreprise. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, là, du coup, c'est plus et logique. Je vois beaucoup de gens avec des montures à 20 euros qui s'en battent les couilles. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un produit d'appel, quoi. Ouais, clairement. Bah, voilà. Très bien. C'était un bon. Ça donne envie. Oui, ça donne envie, à part The Interview. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au thème global de l'émission, l'amour dans le jeu vidéo. Donc, l'axe, le grand thème de l'émission, ce qui nous rassemble aujourd'hui dans mon appartement, comme d'habitude. Merci au Crous de Paris, hein, dédicace. C'est le seul podcast. Hébergé par le Crous. Ah, ouais, sponsorisé. Je pense qu'il serait d'accord pour nous sponsoriser. Ouais, je pense il faudrait juste qu'il vienne visiter l'appartement avant. Ça règle pas de problème. Bon, dans ce cas-là, bon. On s'arrangera autrement. Alors, l'amour dans le jeu vidéo. Donc, il y a plein de choses à dire. On va commencer par un premier axe assez classique. C'est une sorte des histoires d'amour les plus connues, la façon dont c'est représenté, mais de façon classique, comme les histoires d'amour du jeu vidéo, comme celles qu'il y a au cinéma. Les Mario, les Nathan Drake, etc. Donc, les plus grandes histoires d'amour qui nous ont touchés ou pas. Qu'est-ce qu'ils font? L'histoire de Mario m'a bouleversé. Cet homme prêt à écraser tous les champignons du monde et toutes les tortues juste pour aller choper une princesse. Franchement, ça a bouleversé. C'est, bon, c'est le premier, la plus, c'est celle qu'on connaît en plus, le mieux, c'est Mario et Zelda et Link. Et les deux sont des cas assez flagrants de damoiselles en détresse. Ouais, mais Zelda et Link, ça se discute. Parce que justement, tu vois que au final, c'est pas vraiment une histoire d'amour dans le sens où. Apparemment, d'après les informations que j'ai récupérées, ils s'embrassent une fois dans tous les épisodes et c'est suggéré. C'est-à-dire que c'est même pas visible à l'écran. C'est à la fin de Zelda 2. C'est quand le rideau tombe dans Zelda 2 et qu'on voit la princesse qui se rapproche de Link, effectivement. On ne les voit pas s'embrasser, mais on suppose qu'elle l'embrasse. Ce serait la moindre des choses parce que merde, au bout d'un moment, il a défoncé la moitié du pays tout seul. Il est tellement frustré, Link. Oh, mais putain, non. Parce que Mario, tu crois pas, le garçon le plus friendzonné du monde. Mais il s'en fout, il est quand même partant, tu vois. Il y a même des théories de la conspiration de Mario qui dirait que voilà, les hommes à moustache ne chopent pas. Se fait enlever par Bowser à chaque fois volontairement et il y a une histoire en fait avec Bowser, mais Mario essaie de l'attraper. Il y a plein de mèmes comme ça où tu vois Peach au lit avec Bowser. Exactement. Qui est en train de lui dire, ah non, mais il croit toujours que je t'ai enlevé ou. Qui est en train de fumer au pieu et qui lui dit, non, mais il est un peu con. Toi. C'est le mec relou qui tabatte ta porte à 4h du matin, Mario, en fait. Excuse-moi, je viens te récupérer. Mais du coup, ouais, c'est un cas classique de prétexte scénaristique. L'amour, là, c'est juste aller chercher la meuf, quoi. C'est ce qui s'est développé dans la pop culture tout le long du XXe siècle et encore avant, avec la chevalerie, etc. Même percé dans la mythologie, voilà. Ouais. Si je peux me permettre déjà une toute petite digression, on sait même pas tant si on est dans l'amour, parce que dans la mesure où c'est des demoiselles en détresse, certes, mais c'est des princesses et elles sont sauvées par des mecs de leur royaume. Est-ce que c'est pas juste genre juste des mecs qui sont fidèles à leur roi? Ouais, des patriotes, des mecs qui veulent sauver leur royaume, tu vois, tout simplement en gardant les symboles sur le trône. C'est beau. Est-ce que le mec au bout de la troisième fois, il se dirait pas, il y a quand même une couille dans le potage, parce que le mec il sauve son royaume, mais systématiquement il. Mais à il passe rien à la fin, quoi. Non, mais à la fin, il se dit, je suis un héros de la nation, et il y va, voilà. Peut-être qu'il devrait se dire qu'au lieu d'aller la chercher à chaque fois, il ferait mieux de rester devant sa porte, en fait, tout simplement à garder, et à l'empêcher de sortir, tu vois. Ça fera un super concept de jeu, ça. Ouais, c'est gameplay, ça. Tu pourrais Mario séquestrer, Garde. Tu pourrais séquestrer les princesses. Ouais. Non, tu sors pas. Non, non, tu sors pas du tout. Tu sors pas. C'est le non Mario, la non aventure, tu vois. C'est le bad Mario qui est devenu vieux, un peu décrépit, et qui. Pardon, je t'ai complètement niqué ton. Il y a pas de souci. Moi, ça m'a fait beaucoup faire rire. Donc, c'est. On est là pour ça, après tout, hein. L'amusement, les jongles. Alors, on continue. Donc oui, les prétextes scénaristiques, il y en a eu beaucoup en arcade dans les années 90, 80 même. Parce qu'en gros, vu que c'est des jeux d'arcade, j'imagine qu'il y a besoin de scénario. Tu mettais ta pièce, il fallait qu'il y ait une histoire en deux plans. Oh là, on m'a volé ma meuf et ça commençait. Du coup, ça a longtemps été ça dans le jeu vidéo, les histoires surtout d'amour. Surtout, c'est un prétexte même de pour dynamiser une histoire rapidement et c'est le plus simple. Ça va vite, simple, quoi. Voilà. Ouais. Après, bon, t'as l'alternative, le monde est dans les ténèbres et tu dois le sauver, mais grosso modo. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Ouais, mais c'est toujours mieux si tu mets une meuf. C'est ça. Bah, disons que ça apporte une espèce de facteur humain, et peut-être que tu t'impliques plus parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a des fois, t'as envie de rendre service à une nana sans aller la sauver, tu vois. Alors que sauver le monde, je pense que ça t'arrive pas tous les jours. Ouais, t'es plus proche de toi, tu te dis, ah, je suis un hétérosexuel, il y a une meuf, je la veux, je vais la sauver. Bah, dans ce cas-là, faudrait montrer un peu plus de peau parce que, voilà, Peach par exemple. Elle est toujours cachée dans sa robe, voilà, on peut qu'imaginer. Tout est laissé à la suggestion. Tu commences, ça fait même pas une demi-heure d'émission, tu commences à déraper. On est en train de parler d'amour. Là, on est presque comme il disait, on est presque dans l'amour courtois, là, tu vois. On est pas. Joueur, c'est tout. On est pas. Mais non, le joueur, il s'en fout, comme il disait, c'est de l'arcade, tu vois. La plupart de ces jeux-là, c'était de l'arcade. Il faut pas oublier que Mario, à la base, c'était Mario et Donkey Kong, un arcade où il fallait que tu montes jusqu'à la princesse en sautant par Jumpman, effectivement. Et, t'étais beaucoup plus dans le truc. Il faut que je comprenne une histoire en une seconde et en un plan. Voilà, va sauver une nana et après tout le reste c'était du gameplay. Ils sont branlés de raconter une histoire. Pareil pour Ghouls and Ghosts, etc. Pareil pour Double Dragon qui même pousse le paroxysme à te faire te battre pour la meuf à la fin. C'est une anecdote connue, mais bon, on le rappelle quand même. T'as Prince of Persia aussi avec la princesse Farah. Ouais, là on rentre déjà dans un truc un peu plus élaboré parce qu'ils se parlent tout le long du jeu. Il y a une complicité et tout. C'est déjà un autre niveau. Ils se parlent tout le long du jeu, non? Là, c'est en fait là, tu parles de Prince of Persia 4 avec l'autre. Non, je parle du premier où Farah c'est un sidekick en fait. Ouais. C'est pas vraiment un prétexte. C'est une meuf qui t'accompagne, c'est un PNJ quoi. C'est un peu comme Alix Vance dans Alpha Flight 2. Mais c'est dans lequel où elle se fait. C'est dans le 3 où elle se fait capturer. Je sais pas, l'histoire de Prince of Persia m'a laissé de marbre, je t'avouerai. D'accord. J'ai pas tout compris. Tout seul, je pense que j'ai joué qu'au vrai tout premier Prince of Persia, c'est où t'as une demi-heure pour finir le jeu ou une heure et pour aller chercher. Pour aller chercher la nana, tout simplement. C'était juste Mario quoi. Non mais c'est vrai que c'est un prétexte de scénario qui est vieux comme à chaque fois qu'on a voulu faire des scénarios. Tu parlais des romans de chevalerie au Moyen-Âge. Les premiers romans, les mecs qui veulent écrire une histoire, il faut aller sauver une princesse ou un truc pareil. C'est Chrétien de Troyes à chaque fois qui veut aller sauver Guenièvre qui s'est cassé et l'enfant du lac qui part. Chrétien de Troyes, il a quand même plus de subtilité dans son écriture, mais si tu regardes la base du roman de chevalerie, c'est typiquement ça, quoi. Faut sauver une princesse. Et après, le romantisme en a remis une couche. Et dès que par exemple le cinéma de genre a voulu se développer, il est parti sur des thématiques comme ça. Tu parlais, Whoopi, de Donkey Kong, qui est une adaptation de King Kong, où c'est exactement le même principe. Le gros singe attrape une meuf et voilà. Il s'agit d'aller à Popeye aussi. Le gros singe attrape une meuf. J'ai vu des films comme ça. Vous voyez, pareil, Popeye, à chaque épisode, il doit sauver sa meuf. Voilà, Olive. C'est pareil. Oui, c'est ça. Elle est même pas bonne. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est moche. Non, mais. Mais en même temps, Popeye est moche aussi. C'est vrai. Popeye est difforme. C'est vrai que quelque part, ils forment beau couple. Et du coup, est-ce qu'il y a eu pour vous des histoires qui vous ont marqué plus que d'autres dans cette représentation classique du jeu vidéo? Soit pas forcément en prétexte, que je me dis que ça marque pas trop, Peach, etc. Non. Mais après, il y a eu du coup, après les jeux d'arcade avec le développement du jeu en console où t'avais plus de temps pour jouer, ça s'est développé l'histoire entre hommes et femmes. C'était plus. Voilà. Je n'arrive pas à parler, donc parlez à ma place. Ouais, d'accord. S'il vous plaît. Moi, j'avais pensé à. Bah, du coup, pour reprendre Zelda, à Link et Midna, le personnage de Twilight Princess. Je sais pas si vous avez joué. Ah là, ouais, bien sûr. Son loup, ouais. Bah, du coup, là, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant parce que il a jamais vraiment développé de relation avec Zelda, mais par contre, Midna, même si bon, elle avait une apparence de petit lutin de merde et que du coup, bon, c'était pas. C'est comme si Peter Pan s'appelait Jiminy Cricket quand même. Non, c'est pas Peter Pan, c'est qui? Pinocchio. Qu'est-ce qu'il dit? Non, cet homme est en train de raconter n'importe quoi. Continue. Alors oui, je vais reprendre. Twilight Princess. Oui, très bon jeu. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que du coup, ça élude complètement la composante sexuelle parce que là, la relation qui se développe entre les deux peut pas du tout être fondée sur l'attirance pour les nains de couleur sombre. Enfin, tu vois, chacun, pourquoi chacun non, mais c'est le Giant Coco, monsieur. On s'en souvient. Les nains noirs ont droit à l'amour aussi. Excusez-moi, je m'excuse à toute cette communauté, auprès de toute cette communauté. Et voilà, enfin, je trouve que la relation qui se développait entre les deux était vachement intéressante. En même temps, c'est de très loin le personnage secondaire de toute la série Zelda le plus intéressant, quoi. Moi, parce que tous les autres personnages sont nuls, quoi. Dans Zelda, c'est le personnage le plus transparent du monde. Il y a aussi l'histoire d'amour entre Link et Tinkles, dont on parle pas beaucoup, je trouve. Est-ce que c'est une histoire d'amour? On est pas sûr, hein. Je pense que c'est à sens unique. Je pense que Tinkle, ouais, il est à fond, mais je suis pas sûr que Link il soit trop là-dedans. Mais Tinkle, ça veut pas dire tripoter, chatouiller, non? Je crois que c'est plus qu'il brille, genre c'est, tu vois, ouais, un peu, voilà, le brillant, le fabuleux. Fabless. Ah bah du coup ça tombe à l'eau, très bien. Oui, merci. Non mais c'est bien de parler de tripoter une fois toutes les 30 secondes. Merci. Ah bah j'ai un timer, j'ai un portable. Ça, ouais. Ok, donc midi, un quota, ouais, effectivement. C'est pas celle à laquelle j'aurais pensé en premier, pourquoi pas. Mais c'est là où tu vois quand même Link avoir une expression faciale, ce qui est pas évident quand même dans la série, puisque normalement il est quand même assez. C'est quand elle disparaît à la fin, tu vois, presque un air de surprise, un air c'est de. Pas vrai, parce qu'avant il y avait Wind Walker où là il s'exprimait quasiment qu'avec sa tête, hein, en faisant des smileys. Ouais, mais c'était un cartoon, c'était super, ouais, à Tex Avery et tout. Oui, enfin bref, moi j'ai trouvé ça. Moi c'est une histoire qui m'a un peu marqué. Non, mais il n'y a pas de monde, c'est un, voilà, bon choix. D'autres, je sais pas, ou pire, est-ce que t'as une histoire qui t'a marqué toi ou pas du tout comme dans, ça, dans l'amour prétexte comme ça, au débeauté, non, j'ai rien qui m'a vraiment transcendé. Moi je trouve que j'aime bien ce bas, t'as joué à Uncharted, les trois. C'est une histoire d'amour un peu bidon, un peu hollywoodienne en mode blockbuster, mais qui marche bien en fait. C'est. Blockbuster. D'accord. Pardon. Et ça marche, c'est typiquement un truc que tu trouves dans Transformers, genre homme, femme, ils sont tous les deux beaux, ils se parlent, ils envoient des vannes et à force ils s'aiment. Mais elle est bien retranscrite, quoi. C'est celle entre Nathan Drake et Chloé, qui est dans le premier et dans les trois en fait. Où il commence en plus le jeu en la flouant, hein, comme on dit. C'est qu'il l'a fait payer son expédition, après il la largue. Après il se retrouve. Salaud. Après il se retrouve et finalement il s'aime bien. Dans le 2, il arrive avec une autre meuf, il la retrouve, il fait ah, salut, ça va, bah ouais, t'as mon ex, mais tant pis. Et après il finit par se mettre avec elle. Et dans le 3, il est avec elle. D'accord. C'est une histoire, ça évolue un peu. Voilà, c'est typiquement ce qu'on trouve dans n'importe quel film. Parce que déjà il y a quelque chose, quoi. Ah ouais, mais c'est-à-dire que là, on est plus du tout dans le prétexte. Là, t'as déjà une arche narrative, tu vois. C'est ça, ça a évolué. Là, ouais, il se passe un truc, quoi. Ouais. Alors que, là, ouais, on passe. Oui, on parle un peu de, voilà, de tout et n'importe quoi. Mais ouais, dans l'histoire d'amour classique et pas super bien développée, mais qui marche, il y a celle-ci qui, Moi, celle qui me fait rire, qui est pour le coup hyper hyper basique aussi, c'est malgré tout Super Meat Boy, quoi, qui va chercher à chaque fois. Bah ouais, qui va chercher à chaque fin de niveau, il va chercher une nana, tu vois. Et alors que pourtant, on peut pas dire qu'ils soient vraiment beaux tous les deux. On va pas dire ça, hein. C'est quand même un bout de viande sanguinolent dans tous les sens. Oui, mais pourquoi on aura le droit de le dire sur les nains et pas sur les viandes? C'est vrai. Et ouais, c'est vrai, finalement. Racisme sélectif là. Et mais celle-là, tu vois, je trouve que c'est parce que celle-là, elle m'a amusé. La plupart du temps, c'est un truc prétexte, mais qui est transparent. Là, le fait qu'il y ait un peu cette petite astuce que genre, bah, ils sont tous les deux un peu, on va dire, mis au bond de la société, parce que bon, c'est quand même des bouts de viande, hein, on va pas se mentir. Et, mais ne sommes-nous pas tous des bouts de viande? Nous sommes tous des bouts de viande. D'ailleurs, il en parle dans le film Indie Games The Movie. Il raconte pourquoi est-ce que c'est des bouts de viande, les mecs. Alors, j'ai plus exactement le truc, mais genre, lui, il est sanguinolent parce que genre, c'est un écorché vif et qu'elle, en gros, elle a une espèce de peau et donc, lui, c'est un peu à ça qu'il aspire et tout. Donc, il y a toute une histoire derrière, tu vois, mais bon. Bah, elle, ça aspire. Ça, on. Là, c'est reconstruit par derrière, quoi. C'est reconstruit par derrière, ouais, évidemment, ouais. Mais même par devant, putain, ça devient cette espèce de métaphore devient dégueulasse. Ça s'arrête pas. Mais même par devant, tu vois, je trouvais ça assez mignon en fait, parce que ce jeu avait pas besoin de ça. C'est un putain de jeu de scoring de dingue, quoi, qui était excellent au demeurant, et avec une petite histoire un peu mignonne, ouais, derrière. Moi, ça m'a plu. C'est un prétexte, c'est juste un bonus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est même plus un prétexte en fait. Ouais, ouais, parce que limite là, l'histoire est elle-même un prétexte à foutre des niveaux, quoi. Ouais. Parce que, mais je pense que tu disais tout à l'heure, Oupi, qu'il n'y a pas d'histoire qui t'a marqué. Moi non plus, j'ai pas d'histoire en prétexte comme ça qui m'a marqué, ouais, parce qu'elles sont pas faites du tout pour marquer. Moi, j'en ai une autre dans ma besace qui m'a marqué. Vous vous souvenez peut-être de Monkey Island? Oui, elle est évidemment. Elle est Guybrush. Parce que là, pour le coup, c'est une relation intéressante. Parce que c'est pas du tout un prétexte. Si tu prends Tommy, Tales of Monkey Island, elle se fait kidnapper par le Chuck et ta mission c'est d'aller la récupérer. Donc c'est un prétexte. Ouais, non, mais oui. En même temps, voilà, comme t'as eu les épisodes d'avant où vous voyez toute cette relation vraiment sympa. Ouais, mais je suis un vieux puriste, pour moi, si tu parles pas des deux premiers Monkey Island, on parle déjà plus de Monkey Island, tu vois. Oh là là. Je suis un peu un sectaire. Donc, un troll, en fait. Effectivement, un peu un troll, si tu veux. Non, parce qu'à la fin du 2, il y a plus de Monkey Island normalement, voilà. C'est ça. Mais et pour le coup, tu vois, c'était vraiment l'histoire. C'est l'histoire d'un mec qui veut devenir un pirate. C'est comme ça qu'on te le vend. C'est ça le pitch de départ. L'histoire d'amour, ouais, elle arrive après. C'est un truc. C'est là, c'est plutôt un ressort scénaristique. C'est un truc qui relance ton aventure en milieu de partie, en fait. Tout simplement, tu finis par rencontrer cette nana. La scène où ils sont sur le pont, là où ils sont en train de se déclarer, ouais, leur amour, ouais, elle est juste magique. C'est l'une des plus belles scènes que j'ai vues dans tous les jeux vidéo que j'ai pu faire. Et du coup, ça reste pertinent parce que, je veux dire, la relation a été développée avant, donc ça n'empêche pas le fait que dans ce jeu-là, le ressort scénaristique est que tu vas la chercher. Ouais, tu lâcheras pas tant qu'on aura pas dit, t'as raison, quoi. De quoi ? Non, rien. C'est juste d'être d'autant plus impliqué du fait que ça a été décrit et qu'ils ont élaboré dessus avant. Et ça marche d'autant mieux qu'elle arrête pas de t'envoyer chier, tu vois. C'est ça qui est beau aussi, c'est que en général les princesses dans ce genre de jeu, c'est des putains de potiches, quoi. Non, mais c'est pour ça que celle-là m'a marqué. C'est parce à la limite, on dit il faut que t'ailles chercher une princesse. Si on dit il faut que t'ailles chercher un caillou, bah tu vas de la même manière. C'est un pot de fleurs, mec. Va chercher un pot de fleurs. Non, putain, ce pot de fleurs, je mourrai pour lui. Et tu vas le chercher, tu vois, parce que c'est un pot de fleurs. Il est très beau. Tout le monde dit tiens. En tant que joueur, sauvera l'humanité. Et on dit il faut que t'ailles chercher ça. Il se trouve que c'est une princesse. Bon bah tu vas, quoi. Ouais. Tu te poses pas la question de qui c'est. Bah là, du coup, c'est plus intéressant. Ouais, voilà. C'est ça que ça m'a marqué. Voilà. Très bien. Et du coup, il y avait aussi les sidekicks, comme t'as dit, avec Farah dans Prince of Persia, ou aussi dans Prince of Persia, le reboot. Je sais plus comment elle s'appelle, mais la princesse. Elika, ouais, je crois, quelque chose comme ça, qui nous fait ressusciter tout le temps et qui a des dialogues intéressants avec le prince. Moi, j'avais joué chez toi en plus. Il était beau. Il était beau. Ouais, voilà. La patte graphique était bien, mais c'était tellement casu. Et du coup, elle, c'est vraiment le sidekick. Il se parle tout le jeu, il y a même une touche pour parler à la princesse et pour avoir des dialogues rigolos. Et c'est l'ABC du sidekick où la femme, du coup, est pas un prétexte, mais t'accompagne tout le long et c'est voilà, un PNJ sympathique. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples. Et après, il y a les FF aussi, du coup. Je sais pas si on prend. Mais est-ce que c'est du prétexte là ? Non, c'est plus du sidekick, c'est un PNJ aussi qui est dans ton équipe et avec qui tu peux avoir une histoire éventuellement, genre Aerys dans le set. Mais là pour moi c'est différent parce que FF, bon on en parlera après, mais il y a la notion de sexualisation du personnage qui entre en ligne de mire parce que les FF c'est quand même, voilà, dès qu'il y a une meuf, il faut qu'on monte du cleavage, il faut qu'on monte du boobs. Tu vois, genre c'est vraiment. Si tu transposes avec un caillou, ça marche plus, quoi. là ça marche plus, tu vois. C'est Final Fantasy, mais. Une très réduite de la population, mais voilà. Pour Grut, peut-être. Pour Grut, ouais. Pour moi, c'est une problématique différente à cause de cette sexualisation du personnage qui joue sur d'autres ressorts que la relation amoureuse. C'est vrai, mais du coup, c'est souvent comme ça. Des histoires d'amour en général dans les vidéos qui sont pas forcément des prétextes ou des sidekicks. C'est vrai qu'il y en a qui vous ont marqué ou pas. Et du coup, on peut revenir au FF. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans le FF. Tout à l'heure, j'y réfléchissais pour avoir des exemples. Dans le 7, il y a Aerys et Cloud. Après, elle meurt, c'est triste. Voilà. Donc on peut avoir un rendez-vous avec elle au Golden Saucer, donc dans le casino. Et on choisit son rôle. Le Golden Saucer. T'es sûr de merde? T'es sûr de ça? Oui, je suis sûr de ça, c'est vraiment le nom. Voilà, on peut avoir un rendez-vous. C'est pas très bien écrit, mais bon, ça mérite d'être là. Puis quand elle meurt, c'est triste. Puis en plus, c'est une marchande de fleurs. Elle est innocente, elle a le cœur sur la main, on veut l'aider. Et il y a elle, dans le 8, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est Linoa. Le cœur sur la main, c'est pas ça qu'on dit. J'ai mis une seconde à le percuter, mais le cœur sur la main, non, là, t'es mourant, là, t'es mort même. Ouais, le 8, c'est le cœur du jeu, Linoa et Squall. Squall, donc l'autiste à fourrure, pas très intéressant, et Linoa, la rebelle un peu. Ouais, c'est le cœur du jeu, les 4 CD pour qu'ils finissent par se pécho. Voilà, et il y a pareil dans le 9, et dans tous les FF, il y a des histoires d'amour. Il y a Yuna dans le 10 avec les. Le truc connu où ils s'embrassent dans un lac, c'est magnifique, c'est très japonais, voilà, ça fait plaisir aux filles. Du coup, voilà, c'est plus intéressant suite. Avant le. Ça fera pas plaisir quand les graphismes n'étaient pas suffisamment évolués pour que ça soit pas basé sur le sexe, quoi. Mais pourquoi tu reviens toujours à ça? Parce que j'ai des problèmes d'enfance profondément enfouis dans mon subconscient. Voilà, il ça a besoin de voir les boobs, putain. T'as pas compris encore, t'as pas imprimé ça. C'est même pas rapport au sexe, c'est rapport. C'est une histoire d'amour qui est faite, qui est là dans le jeu, mais qui est niaise, quoi. Elle est pas bien développée. C'est pas subtil, c'est juste. Trop bien, on s'aime. Hein. C'est un truc de collégien, quoi. Dans les faits. Et le seul qui. Parce qu'ils avaient pas assez de pixels pour faire les boobs. Oui. Dans le 10, c'est pas vrai, sur PS2 et Motion Engine, on s'en souvient, c'était très bien fait. Bref, le seul FF qui, je trouve, s'en sort très bien niveau amour, c'est le 13. Parce que, il y a des personnages relous, c'est vrai, mais il y a beaucoup de types d'amour différents. Il y a l'amour d'une sœur, l'amour de fiancé, l'amour d'un père. Il y a plein de types d'amour différents qui sont très intéressants et qui se chevauchent. Mais est-ce que c'est bien construit? C'est les types qui se chevauchent. C'est bien construit. Les types d'amour. C'est bien construit. Si tu y penses, quand tu le joues, tu sais pas bien construit parce que c'est une nièce qui ils ont des petites réflexions genre et c'est un peu relou. Mais quand tu y penses après, tu te dis en fait c'est pas mal. Faut y penser a posteriori. D'accord. Penser après. Voilà. Un beau concept de jeu. Donc ouais non, il y a ça des jeux où l'amour est omniprésent. Il y a je sais pas ce qu'il y a d'autre. On peut parler de BioShock Infinite éventuellement. où il y a Elisabeth qui est censée être. Vraiment, on parle de BioShock Infinite. Ah, merci. C'est ça qu'on est en train de faire. Merci, merci, enfin. Ah. Ok, bonne soirée, merci. C'était la fucking kermesse numéro 9. À ce point-là. Non, non, mais j'exagère un peu. Mais... Je trouve que c'est mal fait, mais parce que. Ils essayent en tout cas. Moi j'aime beaucoup, je vous emmerde. Non, mais c'est mal fait le personnage d'Elisabeth, tu es censé être l'apprécier, t'y attacher, qu'il y ait une relation entre eux. Oui. Je trouve que c'est pas très bien fait. Et bah pour le coup, Elisabeth, c'est quasiment une princesse à la Mario quoi. Non, parce qu'elle est utile. Oui, elle est utile. Ouais, voilà. Donne la mission. Tiens la mission. Allez. Mais putain, mais donne-moi-les dès le début, connasse. Tu vois pas que je galère là. Avec ses capacités, il y a quand même un gros ressort scénaristique derrière. Oui, une potiche, faut arrêter. Non, c'est pas. Tu la remplaces, bien sûr, bien sûr. Tu la remplaces par un caillou magique. Là, ça y est, on a trouvé une technique imparable pour savoir si votre histoire d'amour est réussie. Ouais, remplacer la fille par un caillou. On va faire un test comme ça. Si la fille, on va appeler ça le test à du caillou. Est-ce que votre histoire d'amour en vaut la peine? Essayez de penser à votre copine 2 minutes. Essayez d'imaginer un caillou. Voilà. Est-ce que votre histoire d'amour en vaut la peine? C'est beau. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres références qui vous ont marqué. Il y a un truc super relou, je continue à parler parce que personne parle, tant pis. MGS2, vous l'avez fait ou pas? Non, tu l'as fait? Non. Je joue sur PC principalement, donc je t'avouerai qu'il y a MGS2. C'est insupportable. T'es en train de faire une mission importante pour sauver le monde et la meuf t'appelle par codec, ça bloque le jeu, elle fait tu te souviens demain quel jour on est? T'as pensé à prendre du pain? C'est ça, c'est limite, ouais. C'est limite, elle fait demain c'est l'anniversaire, elle demande quel jour, le 30 avril. Il fait bah je sais pas, je suis en mission. Elle fait non mais c'est important quand même et tout. Et, la connasse. Et après tu quittes et après tu 2 heures après, au fait alors demain c'est quel jour? Fait, mais ta gueule, ça m'a rendu fou, j'avais plus envie d'avoir demain, ça va avoir fini MGS2. Et tant pis, je resterai célibataire. C'est insupportable. Et Kojima a fait beaucoup de bonnes choses sur la guerre et tout, mais sur l'amour, je pense qu'il s'est vraiment planté en beauté quoi. Et là, pour voilà. Le coup, tu le remplaces par un caillou. Je pense qu'il y a des problèmes amoureux, hein, Kojima. Je pense aussi, ouais. Quand tu vois tous les selfies qu'il fait avec de la bouffe, je pense que ça fait très longtemps qu'il a remplacé les femmes par des sushis, à mon avis. Version japonaise du caillou, hein, le sushi. Ouais, évidemment. Donc, je vois si vous, il y a d'autres exemples marquants d'histoires d'amour dans le jeu vidéo. Bah, après, il y a des histoires d'amour plus plaisantes, enfin plaisantes au sens où c'est rigolo, comme Whoopi disait sur Super Meat Boy. Je pense à la pseudo-histoire d'amour dans GTA V entre Trevor et Maria. Ouais. C'est juste de la blague, quoi. Alors, pour le coup, c'est prétexte à quelques missions, parce qu'il faut aller la chercher chez... Je sais même plus comment il s'appelle. Mais il faut aller la chercher et tout. Mais c'est juste rigolo. La meuf, elle t'envoie des textos délirants, elle te téléphone pour te dire de la merde. Elle est barge, ouais. C'est réaliste, complètement. Ouais, en même temps... C'est réaliste. Elle a une... Cette blague sexiste qui passe comme ça, crème. Mais non, réaliste. Non, mais par rapport allez, à une meuf hop, la misogynie tranquille. Allez, vas-y. Oh là là. Non, mais je vais essayer de te sauver. Choses. Je dis suffisamment de merde tout seul pour qu'on ait pas besoin d'interpréter ce que je dis. Non, je vais essayer de te sauver. C'est incroyable. C'est réaliste par rapport à une meuf qui peut tomber amoureuse de Trevor. Allez, voilà. Merci. C'est bien sauvé. Effectivement. C'est la dernière fois que je te sauve. Hein. C'est ton joker. Vous avez utilisé votre joker. Après une histoire. J'ai pensé à une histoire d'amour qui. Enfin, pas qui m'a marqué parce que ce serait abusé. Et parce que c'est pas un jeu qui m'a marqué non plus. Mais Brutal Legend. Ouais, si le jeu avec de Jack Team Schaeffer. Ouais. De Team Schaeffer. Ouais. Et bah, il y a une histoire d'amour qui est développée tout le long du jeu. C'est avec Ophélia, je crois, qu'elle s'appelle. Je sais plus comment ouais, s'appelle. C'est ça. C'est Ophélia, ouais. Alors, pas, pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment ciblé pour les métalleux. Donc. Tout est, enfin c'est un jeu qui est autour de l'univers du métal. La bande son d'ailleurs est ouf parce qu'il y a une centaine de. C'est Jack Black qui a fait une partie de la bande son ou pas? Non, c'est que des Iron Maiden, des classiques. Dio, ouais. C'est dommage parce que ça aurait été stylé d'avoir du. Comment il s'appelle son groupe déjà? Tenacious D. Voilà, c'est ça. Non, lui il fait juste la voix de. Il y a pas longtemps le film. Il fait juste la voix de du mec, je sais plus comment il s'appelle. En concert. De Lars. Tu l'as vu en concert? Ah ouais. Ça rend classe. Bref, hein? Ça rend bien. Ah ouais, il cartonne. Pardon, bref, non, mais c'était l'anecdote. Ça vous intéresse ma vie ou pas? Je vais faire une petite rubrique alors. Les gens sont là pour ça. Et donc, non, c'est juste que c'est une histoire d'amour, mais qui pour le coup est vraiment calibrée sur. C'est un jeu de très second degré, donc ils ont ils sont conscients de l'aspect que ça peut avoir. Quoi, ouais, et la meuf, enfin son type physique, c'est clairement le type physique du fantasme du métalleux. C'est une gothique. Alors qui pour le coup a une certaine, on peut pas dire qu'elle a une épaisseur parce que ce sera abusé. Elle est grosse, c'est tour de taille, ouais. Non, pas, non, pour le coup, tu vois, c'est vraiment l'anorexique métallique. Oupi, désolé par les blagues. Oupi n'en peut plus. La tête dans les mains. Oh merde. Ça fait pas une heure, Oupi. Le podcast va de mal en Oupi. Alors. Oh la vache. Oh bah t'aurais pu faire quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Bref. À travers les vaches jusqu'au bout. Et non, voilà, c'est tout. C'est... Alors pour le coup, c'est. Traire les vaches, j'avais pas compris. Mal en pis, tout ça. Ouais. Et donc. Ah, je sais plus, je peux plus continuer après ça. Donc Ophélia, Jack Black, c'est beau. T'as fait ton JK à comprendre le truc 5 minutes après. Et non, enfin l'histoire d'amour est pourrie parce que juste il la sauve deux trois fois de conneries et à la fin ils s'embrassent et c'est beau. Il y a deux scènes d'embrassade et c'est les mêmes en fait. Juste le décor qui change, mais c'est exactement les mêmes cinématiques dans un autre décor. Voilà, c'est juste une histoire d'amour un peu con, mais qui rythme tout le jeu, donc qui pour le coup a un certain intérêt. D'accord. Dans la mesure où le jeu a un intérêt. Oh, le jeu c'était sympathique, c'était rigolo. Le gameplay était un peu pourri. Oui, c'est vrai. Mais c'est un beat'em all, non? L'univers était ouais, cool. Ouais, c'est un beat'em all. Ouais. Et sinon, il y a aussi Enslaved. Je sais pas si vous y avez joué. Si. Bah, c'est le jeu sur PS3, ça. Bah oui, ou Xbox ou PC. C'est avec oui, Monkey et je sais plus comment ça s'appelle la fille. Ça se base sur la légende chinoise du singe, comme Son Goku, etc. Et du coup, à la base, le rapport entre les deux protagonistes est bizarre parce qu'elle le contrôle avec une couronne qu'il a sur la tête et qui, du coup, s'il obéit pas, il se prend des chocs électriques. Et du coup, elle, c'est elle en fait qui lui dit d'aller chercher des cailloux. Va chercher un caillou. Non, je veux pas. Ah ouais, bah tiens, t'as le seum. Et du coup, ça se concentre. C'est un syndrome de Stockholm qui se développe en c'est fait. C'est ça un peu. Et du coup, c'est assez intéressant comme histoire d'amour. Ouais, ouais. Là pour c'est le ça. Coup, on est vraiment dans le prétexte en plus, donc ça marche plutôt mais bien. Mais à force, du coup, ça devient quelque chose. C'est bien écrit en fait. Tu viens juste de nous dire que le syndrome de Stockholm c'était une histoire d'amour intéressante. Hein. Moi, je t'ai impressionné. Beaucoup de femmes comme ça. On ira voir ta cave après. J'ai peur. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs ou pas du tout que ce... Non, bah on peut dire que globalement, quand c'est prétexte. Mais même quand c'est pas prétexte, c'est pas forcément. Il y a pas beaucoup d'histoires d'amour vraiment bien écrites dans le jeu vidéo en fait. Bah, on en a cité quelques-unes qui étaient pas mal. Ouais, non, mais. Parfois c'est anecdotique, mais parfois il y a des éclats, il y a des développements d'histoires qui peuvent être intéressants. Ah bah après, il y a. Celles qui sont justement pas très écrites. Genre Ico ou Shadow of the Colossus. Ou justement c'est pas écrit. Ah bah, c'est d'autant plus beau. Dans Shadow of the Colossus, tu vois, c'est vraiment. C'est très très fort parce que tu sais que tu veux sauver cette nana. Et en fait, tu commences à les déglinguer, donc tous les colosses. Le truc, c'est que tu te rends pas compte au début. Tu fais pleurer des colosses. Que oh, magnifique! Tu te rends pas compte au début que ces colosses-là, putain, mais ils ont rien fait. Et que tu vas juste les buter par pur égoïsme. Donc il y a un truc qui est prétexte au début et qui finit par. Ça finit par être dérangeant, tu vois. Mais une fois que. C'est toujours pareil, une fois que t'as commencé le massacre, il faut aller jusqu'au bout, tu vois. Boire le calice jusqu'à la lie. C'est pour ça qu'on continue à enregistrer cette émission, d'ailleurs. Ouais, mais ouais, sinon, c'est une histoire belle parce qu'elle est pas écrite. Il y a juste, t'arrives, ta meuf est morte, tu veux la sauver, voilà. Et c'est toi, en fait, qui fais l'histoire tout seul. Et c'est peut-être là qu'on s'en sort le mieux, finalement, qu'on n'essaye pas de trop. Bah, c'est exactement l'histoire de Zelda 2 aussi. Hein. Tu te réveilles, la nana est là directement, elle est complètement tombée dans les vapes, elle est morte, et tu sais que tu vas devoir aller. Si tu vas tuer le méchant, elle va revenir, quoi. Et c'est pas du tout écrit, et du coup, ça marche assez bien comme ça, quoi. Ouais, parce que dès le début, tu commences avec la nana qui est sur son hôtel et qui est morte ou comme si, enfin, syndrome de la Belle au Bois dormant, tu vois, et ça marche plutôt bien. Putain, mais c'est l'histoire universelle, quoi. Ah mais c'est clairement Orphée qui va aux enfers parce qu'il y a ouais sa mais la demoiselle en détresse c'est vraiment c'est le niveau zéro de l'histoire quoi c'est le début le vrai début de l'épopée tu vois t'as pas besoin de motivation ou quoi un truc profondément humain qu'est-ce que tu vas chercher qui est vraiment humain c'est l'amour c'est le début de l'Iliade aussi exactement c'est t'as 90% des bouquins je pense qu'ils sont écrits là-dessus quoi. Mais c'est toujours le même fonctionnement où la demoiselle en détresse parce que c'est toujours des demoiselles qui est en détresse elle est tellement pas déterminée que tu peux y plaquer à peu près tout et n'importe quoi c'est ça ouais elle c'est tellement une enveloppe vide que tu mets tout ce que tu veux dedans mais on n'a plus le droit de dire demoiselle on devrait dire la madame en détresse mais ça sonne mal alors je pense c'est que un terme parce historique que parce que c'est un syntagme figé donc t'as le droit. D'accord, je voulais juste faire chier mais du coup voilà. mais fais pas chier sur la langue française d'accord oh oh là là tu dis ça parce le que le point d'Ormesson dans ta gueule bam une tape à coup de Robert quoi et ouais et c'est dégueulasse une tape à coup de Robert c'est on revient à Noël ma mère etc bon ah bon bah oui parce que les saints Robert des beaux Robert oh bref moi je vais loin et vite mon esprit c'est une Stargate mec une étoile filante ça tombe à la fin ça s'écrase lamentablement très belle métaphore il y a aussi Ico pareil où du coup ils ne se parlent pas et elle est juste c'est le sidekick puissance 1000 où tu vu que tu dois trimballer tout le temps en appuyant sur une touche tout le long du jeu et bah l'amour se fait comme ça parce qu'elle est tout le temps avec toi en fait donc t'as pas le choix et ça se construit comme ça et c'est pas non plus parler en fait les meilleures histoires d'amour sont peut-être celles qui sont pas écrites après on va parler d'autres jeux plus tard The Last of Us, The Walking Dead etc dans l'axe 2 mais en tant qu'histoire classique où il n'y a pas une volonté d'utiliser l'amour comme un ressort immersif, celle dont on se souvient plus, celle qu'on a, on a investi nous parce que c'était pas écrite, parce qu'il y avait une figure vide qu'on a pu, comme t'as dit. Voilà, donc c'est une belle conclusion, je pense, pour l'axe. C'est pas mal. En tout cas, c'est une conclusion, c'est déjà bien. C'est vrai que c'est une conclusion. Je sais pas si on a vraiment développé des trucs, on a plutôt évoqué plein de trucs. Mais en même temps, c'était le principe de l'axe, c'est on peut pas résumer 30 ans d'histoire d'amour en jeu vidéo. Bah, on a vu que si, justement. si, le caillou. Je te rappelle, la célébration du caillou. On s'en souviendra. Du coup, est-ce qu'on passe à un quiz pour avant de passer à l'axe 2? Oui, bah, moi, je suis assez chaud pour un quiz. Quiz! Allez! Quiz, ouais! Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Donc c'est l'heure du quiz, on attend tout ça avec impatience, oui, je le sais, chez vous aussi. On commence par un quiz classique. La réponse compte forcément pitch ou fist. Alors, oh, fist. Fist, c'est une forme d'amour aussi. Et parce que j'ai dû faire ça très vite, j'avais pas beaucoup d'idées, ce qui me venait en tête. Marginal, certes, mais quand même. Très poignante. C'est le caillou. Que tu peux remplacer par un caillou. Il y a aussi des cailloux, j'allais le dire, justement, du gravier. Ça pose des problèmes, je pense. Mais ouais. Donc forcément, pitch ou fist dans la réponse. Par exemple, simple, la première, hein, prends dans ta poche, hein. Pitch. Voilà. Faut compter les points. Ouais, ça fait un point par un point pour tout le monde. Non, si tu veux, tu l'as rien dit. Ah si, je l'ai dit. Non, il mangeait des rillettes. Bah, je vais pas faire les deux en même temps. Bon, ambidextre. Du coup, ça fait pitch. J'ai pas de quoi noter, mais tant pis. Un jeu vidéo sur Wii avec une balance. Wii Fist. Oui. Allez. Mais non, mais c'est pas. Moi, je veux qu'on note les points. Ça fait 2-1-1. Bah oui, Fist, il pourrait y penser, je pense, ça ferait un bon spin-off. Avec la Wiimote comme ça, tu tends devant toi. Non, mais il y a Steven qui note. Ouais. Donc ça fait 2-1-1. C'est bon, Steven? Ouais. Le 3, top, je suis quelqu'un qui n'est pas très aimé et qui inspecte les gens en profondeur. Un fonctionnaire. Fonctionnaire? Il est l'inspecteur des fils du Fist. Oh, il l'a dit. Ouais, ah, bravo. Allez là. Inspecteur du Fist. Il m'a battu. Inspecteur du Fist. Coiffé au poteau. Coiffé au poteau par un chauve. Mais ouais, mec. 3-2-2. 3-2-1. C'est noté. Hein. Non, 2-2-1. Arrête avec les points. Ok, c'est noté. Concentre-toi. On peut la trouver fourrée ou nature, ça dépend. Quoi? On peut la trouver fourrée ou nature, ça dépend. On peut la trouver fourrée ou nature, ça dépend. Tu savais pas. C'est toujours le problème avec tes quiz, c'est qu'on trouve pas les réponses. La réponse est simple, c'est pitch, tout simplement. Oh. Voilà, merde. Oh, là, merde. Oh non. Il y a un moustachu qui va venir t'agresser la gueule dans le quart d'heure qui vient. Donc personne n'a trouvé, tant pis. On continue dans les blagues vaseuses. Ouais. Après Mario Kart, football. Après Mario Kart, Mario Football, Mario Basket, Mario Tennis, Mario Golf. On pourrait faire un jeu avec Peach qui joue au ballon sur la plage et qui s'appellerait Peach Beach. Il est joué au ballon sur la plage, ça s'appellerait du pitch volley. Oui, du pitch volley. Oh, c'est moche. Une autre idée. Du fist volley. Du fist à la volée, pourquoi pas. Alors ça, je pense que le problème c'est que c'est très répréhensible par la loi. J'aimerais pas jouer avec Donkey Kong pour le coup. Ok. La vache. Excusez-moi. Un peu de zoophilie par dessus. C'est toujours ce qui manque aux bonnes soirées. Si il en reste deux. Toutes les soirées, hein. Je suis un là celle-ci c'est la plus compliquée. Je suis un terme anglais inventé de toutes pièces qui sert d'unité de mesure fist année et qui quand on le prononce ressemble pas mal à un endroit connu du nord de la France où Steven passe ses vacances. J'ai rien. What? Vas-y. Je suis un terme anglais inventé de toutes pyramide pièces qui sert d'unité de mesure fist slash année et qui quand on le prononce comme il faut ressemble à un endroit très connu du nord de la France. Où le fist est pratiqué et où Steven passe beaucoup de vacances. Le Finistère. Finistère. Je n'arrive pas à comprendre. Donc là, il y a fistinière. Fistinière, ouais. Et donc là, c'est fistinier. Hein, voilà, unité de mesure. Putain, non, celle-ci était très. C'était naze. C'était naze. C'était nul. Là, mais franchement, nul c'était naze. Non, mais j'ai fait le quiz en 10 minutes. Donc mais c'est pas une excuse. Non. Dernière question, après, on passe à un autre truc. je suis un film avec Vin Diesel. Fist Black, Pitch Black, Pitch Black, évidemment. Oh. Fist Black, oui, c'est un autre film qui existe. Cela dit, Fist and Furious, je pense que ça marche aussi. Hein. Ouais, on met un point. On met un point d'honneur à Whoopi. Enfin, on te met un point d'honneur. Gardez vos points d'honneur. Dans le conseil. Putain de merde. Je regarde ce préservatif qui traîne sur la table. Putain. On passe du coup maintenant à un vrai ou fauve. Alors, c'est très ça. Explique-nous. Fauve, c'est l'amour des jeunes maintenant, l'amour bobo. Donc maintenant, je vais vous citer non, des... mais explique ce que c'est. Le groupe fauve, de musique c'est un groupe fauve. De musique fauve, très nul. Vous avez écouté sur YouTube. Je vous donne des paroles de chansons. Vous dites si c'est fauve ou si c'est vrai. Fauve, donc le groupe, ou alors vrai, c'est autre chose. D'accord. Ok. Bien. Par exemple, première, sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Moi, je dis fauve. Ça, c'est fauve, ça. Et effectivement, c'est faux, vous ouais, êtes non. fort, donc un point pour tout le monde. C'est beau. C'est un peu niais, un peu mal construit. Ça. Ouais, mais justement, il y a des pièges, j'imagine. Il y a des pièges, je me suis parce qu'il y en a de la chanson merdique. Non, mais son... je crois que c'est lui qui a écrit. Hein. Ensuite, on continue. Dans son regard absent et son iris absinthe, quand crache les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes. Non, ça c'est toi, ça. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. Vrai. Ça, ça a l'air vrai. C'est vrai, c'est Gainsbourg. Ouais, ça, c'est du Gainsbourg, clairement. Variation sur Marilou. J'ai eu peur que quelqu'un dise faux, je l'aurais tabassé, donc bravo, vous êtes fort. Donc toujours un point pour tout le monde. J'ai une nouvelle motivation du coup là. Mais avant que troisième élucubration. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis si ça me prend toute une vie. Oh, ça sent le fauve, ça. Ouais moi j'en ai du fauve là. Ouais. Ça sent bien un consensus. Eh, vous êtes fort, hein, c'est ouais. faux encore. En même temps, hein, c'est une fois sur deux. Qu'est-ce que ça fait ? Je dirais pas ça. On reconnaît fauve, on reconnaît quand même. Il a une patte. Hein. Il a une patte. Quatrième, je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es pour penser qu'après moi l'herbe repoussera. Après moi, je veux qu'on soit malheureux. Moi, je dis refauve là. Non, ça c'est pas fauve ça. Non, moi je dis refauve. Steven. Moi, j'en sais rien. Je dirais refauve aussi, mais. Eh bien, ce n'est pas fauve. Ouais. Donc, bravo. Bon, ok, il y en a une sur deux qui est fauve, donc la prochaine. C'est ouais, bon. C'est ça. En fait. C'est la dernière. C'est celle d'Alex. C'est Alex Baupin qui a écrit ça. Voilà. D'accord. Qui a écrit. Merci pour lui. Ça me fait plaisir. Sixième. Non, il en reste deux. Cinquième, sixième. Oh, il en reste deux. Oui, c'est long. C'était pas fini. En vrai, on reste à thème un fist Baupin. Tant que ça. Baupin. C'est quoi le rapport? Un Baupin, un fist. Un Baupin, un fist. Un Baupin, voilà. Ouais. Wow. Bah, fallait pas s'arrêter, quoi. Et nous, on se branle H24. Puis on se flagelle parce qu'on se branle. Puis on dit qu'on fait, on fait, on fait pas. Alors on dit. Pas, puis on, fauve fait, on se fatigue. Arrête puis toi. On s'excuse d'être malheureux, puis d'être heureux, puis de s'excuser. Oui, bah oui. Puis fauve, c'est le merdier, fauve, ça y est, c'est le fauve. Merdier. Continue à creuser, copain, continue à creuser. Fauve. Fauve aussi, Oupi. Ouais, je sais pas, j'ai aucune moi, idée, mais moi, ça. Je dirais fauve, moi. Eh bien, c'est fauve, effectivement. Alors, aussi, alors, c'était vraiment une sur deux, en fait. Ouais, c'est vraiment une sur deux. Bah, il y a peut-être un piège. Bah, c'est vrai que fauve, c'est quand même très moche quand on le lit comme ça. Hein. Dernière, attention, là, il y a un piège, attention. Tu y crois, toi, la magie des rencontres et la peur de mourir. Doit y avoir autre chose. Tu y crois, toi, les enfants de l'amour. Moi, putain, j'ai du mal. Doit y avoir autre chose. Tu sais bien, l'ivresse et la fête. Tu sais bien, la paresse et la chair. Et l'envie de se perdre dans les nuits, l'un dans l'autre. Fauve. Fauve. Fauve aussi? Ah, ouais. Il a voulu faire une feinte. Il en a j'ai l'impression que c'est du fauve, mais si faux, tu vas nous dire que c'est pas lui qui a écrit ça. Donc ouais. Ce n'est pas fauve. Ah. C'est 16. Ah, mais c'est la même merde. Feinte. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, monsieur, mais c'est pas grave. Mais non, j'aime bien 16. Moi aussi, merci. Mmh, ouais, merci. Ouais, bah on voit 16. Que c'est bien, hein, un échantillon. Non, mais là, parce qu'il manque, il n'y a pas le contexte, voilà, bon. Ouais, non. Oupi, t'avais répondu fauve aussi? Non, il avait, si. J'avais dit que c'était fauve, mais que c'était sûrement pas lui qui l'avait écrit. Donc, ouais. Essayez la fin okay. pour avoir un bon point dans le mec, là. Un peu d'étonnement. Il a dit avant que c'était, il a dit avant que c'était une question tricky. Donc, moins un. On est d'accord? Non, pas, on n'est pas d'accord. Bah, on serait notre invité si c'était toi, on aurait mis. Je suis les... l'invité, mec, je suis intouchable. Malgré toutes vos histoires de points. T'es en fauteuil roulant, quand ça se passe. Ok. C'était naze. Ah, j'ai un peu honte de ça. Quels sont le point de score, maître Contos? Alors, Zaza 6, Oupi 8. Quoi? Et ouais, moi-même 6. Mais ah, c'est serré. C'est quoi, ça? On passe aux 4 dernières questions. En fait, je vois sur un iPhone, c'est ça que vous savez pas. Ah bah voilà. On passe à la dernière partie du quiz, la textidermie. Bah quoi? Qu'est-ce que la textidermie? C'est comme la taxidermie avec Tex. J'ai Tex le présentateur donc. Oui, des amours sur France 2, donc l'amour en vidéo, les amours. J'ai pris... il y a je logique. Suis atterré. Il faut deviner si c'est une blague de Tex ou de quelqu'un d'autre. La taxidermie. Une dame qui veut se faire refaire le nez, c'est beau, c'est un nouveau-né. Moi, je vous conseillerais d'aller en Bretagne se faire un édredon. Oh putain. Alors... Non mais merde, alors si c'est lui, mais il faut le virer. Moi, c'est Tex, c'est pas Tex. Tex ou quelqu'un d'autre? Moi je dis pas Tex. C'est Tex. Moi pas Tex. Moi j'ai envie de croire que c'est Tex. Eh bien c'est Tex effectivement. Ah, ah là là. En plein dans les amours. Ah, je me fais larguer là. Le mec il y va. Donc 2 points, 1 pour Steven, 1 pour Roupi. On y est, on continue. Tu peux m'en mettre un tant que tu y es. Ouais. C'est quoi un hamster dans l'espace? C'est quoi? un hamster dans l'espace. Un hamstéroïde. Est-ce que c'est Tex ou est-ce que c'est pas Tex? C'est chaud. Putain, c'est bouillant parce que c'est nul aussi. Mais c'est beaucoup moins construit que celle d'avant, je dirais que c'est pas Tex. Ouais, c'est beaucoup moins long en fait. C'est beaucoup moins long, ouais. Ça rebondit pas continuellement. Ouais, y a pas de malaise. Bon, ouais. Moi je dis que c'est... Je sais pas, j'ai envie de faire chier, j'ai envie de dire que c'est Tex. D'accord, et toi Steven, non, pas Tex? Non, non c'est non Nagui ça. C'est une meuf dans l'émission de Koei. Putain, mais c'est une sur deux à chaque fois. Pourquoi j'essaye de faire des trucs nouveaux? C'est une meuf dans l'émission de Koei qui s'appelle Marion, qui fait des blagues nulles, voilà. C'est chaud pour elle. On lui dit bonjour. C'est une meuf de Koei, c'est bon, ça suffit. Où vont les Bogdanov en vacances? À Menton. Alors. Putain, c'est chaud. Est-ce que c'est Tex ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On reste sur du 1 sur 2, hein. Ouais. On va dire que c'est Tex. Non, c'est pas Tex. Je vais casser l'histoire d'une 1 sur 2, moi je pense que c'est pas Tex. Non, moi aussi, ouais. Pas Tex. Allez, pas Tex, moi je suis un bouton. Je pense qu'il a pas les couilles de s'attaquer au Bogdanov. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait des blagues sur la Bretagne, ça va. Allez, donc, pas Tex. Personne n'a dit Tex. Non. Eh bien, c'est pas Tex puisque c'est moi. Voilà, merci. Putain de merde. Je suis très fort. Un grand humoriste. Je cherche un travail, carambar, si vous m'entendez. On continue. En beauté. Ah, oh, mais c'est pas fini? Il non, reste non. Deux questions. Oh, merde. Le pot. C'est bientôt fini. Alors, moi, je suis allé, enfin, je suis été, parce que c'était en août. Non, non, pas de pause, pas de pause. Est-ce que c'est Tex? Parce que, non, si, il faut un pause pour le malaise, pour que les gens ressentent bien la blague. Ah, c'était ça la blague? Ah, mais c'était ça la blague! Je crois que c'est chaud, une blague de ouais, toi. Mais pareil! Non, mais alors, je dis que c'est toi, celle-là. Alors, je suis allé, non, je suis été, parce que c'était au mois d'août. Voilà, c'est la blague. Tex ou pas? Allez, Tex. Non, moi, je dis que c'est pas Tex. Non, c'est pas Tex. Eh bien, c'est Tex dans son one man show qu'il fait évidemment. Vache, il fait un one man show et tu l'as regardé, c'est ça la vraie info. Regardé. C'est tendu quand même. 5 minutes, il fait une tournée les éternels du rire avec Smaïn, Patrick Bosso, Liane Folie. On appelle ça une tournante hein. Ils font beaucoup de dates, il y a aussi d'autres gens que je sais pas qui c'est donc j'ai pas retenu leur nom, des gens qui n'existaient pas trop. Donc voilà, allez-y hein, c'est ils sont dans toute la France. Tex et Patrick Bosso, je pense que ça Smaïn aussi, Liane Folie fait des blagues aussi donc c'est génial. Ouais. Un grand spectacle pour toute la famille. Imagine une soirée entière où les gars passent les uns après les autres et t'achèves petit à petit, c'est incroyable. C'est de la torture. C'est de la torture et tu payes pour y aller en plus. Ouais, c'est temps de merde. Ça nous rappelle, oui. Les Arméniens. Les déportations payantes, tout ça. Allez, on y vient. Allez voir sur Wikipédia. Dernière blague. La libido, c'est le contraire du bidoli. Tex ou pas Tex? Oh, moi je dis Tex. Moi je dis pas Tex. Non, moi je dis pas Tex non plus. Eh bien c'est Tex. Oh, merde. Il est de retour. Dans les amours. Voilà, c'est... Ah non, ouais, c'est vrai qu'il présente les amours, donc on aurait pu se douter c'est qu'un vrai. Truc touchant au bidoli. Quels sont les scores? Alors Zaza 8. Non mais les noms sont pas écrits à côté des scores. Moi je suis pas sûr que c'est moi déjà. Bah Z Zaza. Bah merde. Z comme Zaza. Effectivement. Moi-même 10 et Oupi 11. Oh, sur la ligne. Génial. Sur la ligne. Il a gagné, tu es très bravo, tu pourras t'en vanter je pense hein. Bien sûr, je m'en vanterai. Tu sais reconnaître faux mes textes, comme ça, d'instinct, au flair. Bien sûr, je repartirai avec ce préservatif et je l'accrocherai sur mon bureau en me disant souviens-toi, des jours incroyables. Du coup on va passer à l'axe 2, dans la joie et la bonne humeur. L'axe 2 il est plus compliqué, il est plus cérébral, n'est-ce pas, on s'est un peu creusé le cerveau. Plus mais cérébral que quoi, que la taxidermie. C'est pas très compliqué hein. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va essayer de parler des histoires d'amour qui prennent part intégrante au gameplay, qui sont un ressort immersif plutôt que juste un prétexte scénaristique. Et avant de parler de ça, pour un peu introduire le sujet, on va parler peut-être de types de jeux qui mêlent un peu les deux, où l'amour est dans le gameplay, mais pas non plus un ressort super immersif. C'est les jeux BioWare, etc. Par exemple Dragon Age, Mass Effect, où il y a des romances. Effectivement. Même The Witcher aussi. Mais qui sont pas non plus vraiment construites pour à fond. Pour le coup, c'est pas du BioWare, mais... Oui, je sais, c'est des projects. Voilà. Mais c'est pas grave. J'essaie de te resituer. Je fais ce que je peux. Ouais, bah les jeux BioWare, ouais, du coup, c'est assez intéressant parce que c'est un peu à la frontière, voilà, entre les deux parties, effectivement, parce que ça te permet de, enfin, moi je pense surtout à Dragon Age que j'ai rincé, le premier surtout, parce que le deuxième, on préfère l'oublier. Évidemment. Voilà. Je sais pas si t'as joué déjà à Inquisition ou pas. Je l'ai fait un peu, ouais. Et alors? J'ai fait une petite dizaine d'heures, bah c'est très très bien foutu. C'est très très bien foutu et donc il y a toutes ces histoires d'amour qu'on peut retrouver un peu dans tous les jeux BioWare finalement depuis assez longtemps et dans lequel effectivement tu peux avoir, quel que soit ton personnage, il y a toujours au moins 3 histoires d'amour possibles. Ouais. Et là en fait plus le ouais mais c'est en moyenne. Il a fait une moyenne pour sur un tableau Excel avant de venir. Mais le truc c'est que c'est vraiment, les histoires sont anecdotiques dans l'histoire clairement, veut dire t'as pas vraiment besoin d'achever une histoire d'amour, on va dire, pour voir la fin du jeu. Mais du coup, là, on est vraiment dans des histoires d'amour qui deviennent, comment dire ça, c'est un jeu dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que t'es vraiment en train de te dire, putain, il y a un moment où l'histoire d'amour que t'es en train de vivre t'intéresse limite plus que sauver le monde. Tu t'en branles, tout ce que tu veux, c'est choper machin. Au niveau du fameux camp, le camp autour du feu, là, où tu peux discuter ouais, avec les personnages entre les missions. Dans le 1, effectivement. Voilà, moi, je pense au 1, ouais. Surtout en particulier. Et ouais, c'est intéressant parce que c'est anecdotique par rapport à l'histoire, mais en même temps, du fait que c'est toi qui fais les choix dans les discussions, t'es quand même impliqué émotionnellement dans une certaine mesure. Tu diriges l'histoire, quoi. Parce que tu diriges la relation, la direction qu'elle prend. Et en plus, t'as le petit côté reward qui fait que quand un personnage t'apprécie suffisamment, t'as des bonus dans le jeu. Ton personnage se fait booster les stats. Parfois même, il t'offre des objets. Je pense à Zevran, ouais, qui te font des cadeaux. Ouais. Avec lui, homosexuel, du coup. T'es obligé de. Tu récupères un anneau à la fin. Un coq ring. C'est symbolique. Non, il y a tout le système de cadeaux qui te permet ouais. Les personnages. Mais après c'est vraiment les cadeaux sont anecdotiques. J'allais dire c'est la carotte au bout du bâton, mais c'est cadeau effectivement. Mais surtout ces histoires, je sais pas, il y a vraiment un truc, une fois que t'as fini le jeu, t'as envie de recommencer le jeu pour voir est-ce que je peux d'autres romances. Qui sont les autres mecs que je peux arriver à choper. Ouais, tu vois, tu peux faire de l'elfe nain, hein. Peter Jackson n'a pas été le premier à suggérer ça. C'est déjà possible dans Dragon Age. Tu pouvais, Merci. Non, mais oui, c'est, et souvent c'est bien écrit parce que tu regardes par exemple celle avec la magicienne dans Dragon Age 1, je sais pas, Morrigan. L'histoire est bien écrite, les dialogues sont cool. C'est pas évident, Morrigan. C'est une des plus dures à avoir à 100% parce que elle est quand même assez casse-couille globalement dans le jeu. Et même quand dans Mass Effect, quand tu joues Femmeshep, tu peux avoir une relation avec, quand ton personnage principal est une femme, tu peux romancer Garrus et c'est trop bien. Pareil, les dialogues sont bien écrits, etc. Donc ça donne un autre incentive. Enfin, t'as envie d'y aller parce que tu vas avoir des bonnes scènes, quoi, vraiment. C'est ça. Donc, c'est cool. Puis surtout, vu qu'on est un peu dans l'amour comme ressort immersif, on va dire, c'est vraiment un truc qui te pousse à, on va dire, tu vas garder dans ton équipe les mecs avec qui tu veux avoir une histoire d'amour, quoi. Aussi par rapport au bonus, par rapport au bonus, mais c'est pas forcément les plus utiles. Tu pourrais remplacer un mec avec qui tu peux avoir une histoire ou quoi par n'importe quel personnage, mais tu le fais pas parce que tu t'impliques vachement plus, en fait, du fait de cette histoire d'amour qui devient donc vraiment un jeu dans le jeu. T'as envie, tu vois, ça dirige vachement ta partie. Tu crées un roleplay, en fait, toi, tu te dis, voilà. Tu crées un petit roleplay et c'est vraiment, vu que ça vient de toi et que c'est un truc complètement anecdotique, c'est pas anecdotique que je voudrais dire, mais superflu, enfin bref, qui n'est pas nécessaire, en tout cas. En plus, quoi, c'est de l'ajout. En plus, ouais, clairement. Ça change un peu ton rapport au jeu et ça l'humanise vachement. Moi j'ai trouvé ça super chouette. Zassa, tout à l'heure tu disais un truc intéressant, tu disais c'est toi qui dirige un peu la relation. Oui. Et c'est le contraire d'un jeu type Mario où on t'impose une relation. Effectivement. On va la chercher. On donne une pure relation, on dit voilà, toi t'es en relation avec elle et voilà, du coup il y a des actions qui en découlent. C'est comme dans la vraie vie finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu peux y aller ou t'y vas pas. Alors que là c'est toi qui dirige. Le type de relation, la relation elle-même, tu fabriques une relation, quoi. T'as une responsabilité, puisque même si les persos bon là faut vraiment faire de la merde, mais si vraiment ils aiment pas ce que tu leur dis et les choix que tu fais, ils peuvent carrément quitter l'équipe, en fait. Donc il y a une vraie direction Bon, moi j'étais très déçu de pas pouvoir me faire trouer par le Kunari. Parce que ça pouvait être. Par le chat là, le grand, non, le géant. Kunari, c'est le gros, ouais. Ah ouais, le mec qui tue des gens là. Mais lui, tu peux pas. Genre, au maximum, il te respecte, tu vois. Toi, t'es chelou, toi. Mec, on le dit dans le jeu, lui, il est dangereux, il a mangé des gens. Et... Oh, moi, je veux qu'il me baisse. Lui, il va être sauvage, tu vois. Il va être sauvage, joli, quoi. Très bien, bah, merci. Et bah, niveau reward, tu parles des récompenses qu'on peut avoir en faisant des romances dans Witcher, les cartes, quand tu couches avec des filles, t'as des cartes porno, des X cartes. Tu gardes ton tableau de chasse, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté comme ça, collectionneur. Un mini jeu, ouais. Bah après, les romances sont beaucoup moins très dopées que dans BioWare. Après, il y a celle-là. Voilà, ça s'approche plus d'un God of War où il va trouver de la meuf pour récupérer des orbes, quoi. Voilà, c'est plus Là, c'est vraiment que des items à collecter, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que t'incarnes aussi, il y a cette image dans Witcher où t'incarnes le mal alpha par excellence, quoi. Ouais, le mec Geralt, juste, Il déglingue des magiciens, des monstres de dingue de partout. Il a une gueule balafrée, pas possible. C'est un mec, t'as pas envie de l'emmerder au bar, tu vois. Et en même temps, tu vois, eh ben, toutes les nanas que tu croises, tu peux arriver, tu peux c'est arriver. C'est côté badass, ça. Tu leur offres les rangs. Tu leur offres une fleur, c'est bon. Tu leur offres une fleur et ça marche, quoi. Voilà, tout cet c'est homme, cet homme, mais dans le jeu, mais dans le jeu. Ça va. Il y a des femmes qui écoutent votre podcast ou comment ça marche? À part vos mères. À part vos mères. Ouais. Okay. Et là, oui, on s'excuse, mais voilà. Non, mais depuis le premier, déjà, on aurait dû s'excuser. Donc... Non, tu aurais dû t'excuser. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Bon, du coup, maintenant, on peut passer. C'était une petite transition. Directement, on a deux jeux en tête. The Walking Dead de Telltale, la saison 1, surtout, ou même la 2. Hein, mais bon, la 1, ça, tout le monde l'a fait. Parler, mais... Et The Last of Us de Naughty Dog, sorti en 2013, qui ont vraiment des trucs intéressants au niveau de la. Il y a aussi Heavy Rain, To the Moon, d'autres jeux, mais il y a une vague de jeux qui se sert vraiment de l'amour pour impliquer le joueur. Pas seulement en tant que joueur, mais en tant que personne, et lui faire faire des choix comme dans les romances de BioWare, mais de façon encore plus développée sur tout le long du jeu et qui se base vraiment là-dessus tout le temps. Steven, tu te moques de moi, donc tu vas commencer à non, parler. Non, je me moque pas du tout. C'est juste que je viens de m'écorcher la lèvre avec un Doritos. Ouais. Un podcast de tous les dangers. Oh. C'est possible ou pas? C'est vrai que c'est des mecs qui invitent un journaliste de jeux vidéo et qui foutent des Doritos sur la table. Je pense que je dois voir. Il y a un message là-dessus. C'est la première fois qu'on a des Doritos à la FK. Évidemment, il fallait que je sois là. Donc, c'est cool. Mais je suis pas si corrompu que ça. Hein. J'ai juste les Doritos là. Non, en fait, on nous a envoyés. Merde. Le piège. Donc, l'amour comme ressort immersif. Oui, bah, est-ce que vous parlez de The Walking Dead ou de The Last of Us? Bah, c'est toi qui dis, par contre, comment? Mais est-ce que c'est intéressant vraiment de partir sur une référence? Parce que c'est des principes qui sont communs aux deux jeux, je pense que c'est plus intéressant de partir c'est sur... pas exactement les mêmes jeux, je pense. Pas, après, on pourra en discuter non, après. Au niveau des ressorts. Oui, au niveau des ressorts, soit. Bah, c'est vraiment l'amour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie? Qu'est-ce qui fait que le joueur s'identifie? On peut partir déjà là-dessus. Bah, moi, à mon avis, c'est justement dans le type de relation qu'on t'impose. C'est-à-dire, on te donne pas une relation en tant que telle, mais on crée une relation avec un personnage. C'est-à-dire, on te, bah, typiquement dans les deux jeux, faut que je fasse attention parce que j'allais dire une phrase qui n'était pas faisable. J'allais dire, on te met une petite fille entre les jambes. Ce n'est pas... Borderline, ce n'est pas le cas. Prison, on attend la pointe prison. Bonsoir. Ça me rappelle mes vacances. Vous ne touchez pas 20 000 francs. C'est-à-dire, on te met en contact avec une petite fille que tu dois sauver. Enfin, c'est imposé. C'est imposé au sens où c'est une rencontre, une pure rencontre. Mais dans Walking Dead, c'est quand on arrive dans la maison vide et qu'elle est là dans sa maison de jardin, dans sa cabane. Dans sa cabane. Et dans... Avec la babysitter. Et le premier mot qu'elle dit du jeu à Lee, c'est daddy, genre papa. Donc voilà, tout de suite, une annonce. Il faut savoir que, voilà, on parle d'amour, là, on parle d'un certain type d'amour qui est l'amour filial. Ouais, c'est d'un père et d'une fille. Et pas, enfin. Pas de la relation amoureuse. Pas d'une relation amoureuse au sens, voilà. Où il se passe pas parce que c'est un enfant et c'est pas bien. Voilà. Merci. Je précise. Du coup, pour moi, ça c'est un des ressorts qui fait qu'on peut s'identifier parce que la différence d'âge entre les personnages permet justement d'évacuer la sexualisation du personnage. Et ça, c'est pour ça que je pense que ça peut déjà s'installer. C'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, ça peut s'installer. C'est que du coup, il n'y a pas, en mode gros boobs. Le but, c'est pas de la baiser. Et même au niveau de la psychologie du joueur, c'est pas un truc qui te passe par la tête parce que du coup, c'est un enfant, donc il y a ce type de relation qui peut s'installer, quoi. Je sens la gêne de Oupi. Non mais l'amour est tout de suite non, mais dans sa relation, tu vois. Il y a un potentiel de jeu de mots dans tout ce que t'es en train de dire. Je me réfrène un peu parce que j'ai peur de la prison. Non, vas-y. Continue. Rien à dire. Non mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bah non, tu vois, t'as raison. C'est en fait ça permet d'éviter une réaction basique du genre cette meuf on m'invite à la baiser dans le jeu, mais j'en veux pas parce qu'elle m'intéresse pas. Là du coup t'as pas ça. On t'invite à la protéger. Du coup c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus universel comme sentiment. C'est pas elle te plaît, baise-la. C'est elle est en danger, sauve-la. On en revient. Mais ça, c'est encore un truc différent, avatar. Non, je trouve que c'est vraiment un avatar de la demoiselle en détresse qui est déplacée vers l'enfant. Qui est asexuée parce que du coup ça devient un enfant, quoi. Et du coup la détresse est d'autant plus réelle que. Et en plus, c'est un enfant dans les deux mondes sont très dangereux et très post-apo. Voilà, pour moi c'est. Voilà, c'est un truc un peu différent parce que ça c'est pour moi c'est une autre mécanique qui donc le ressort de l'environnement post-apocalyptique parce que c'est un environnement où la morale est vraiment mise de côté, la morale au sens général, c'est-à-dire que c'est vraiment l'instinct de survie qui prime et tes relations avec les gens vont être dictées parce que tu peux en retirer, alors que la relation filiale d'amour c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose d'humain et qui du coup va pas être dicté par exemple il va aller la chercher alors qu'il a des chances de se faire buter dans toutes les occasions, ce que tu ferais pas pour une autre personne normalement. Sauf si dans le jeu on te l'impose quoi. Comme voilà. Vraiment c'est un objectif où tu dois aller la chercher. Parce que sinon tu passes pas au niveau suivant. Mais là du coup au niveau de l'identification, ça va de soi, voilà, tu vois. Ouais. C'est, ouais. Voilà, tu acceptes. Mais parce que du coup c'est deux jeux qui mettent vraiment des mondes où qui ont perdu toute humanité tout simplement, ouais. Et que là on te propose l'humanité en fait dans ce qu'elle a de plus pur, parce que c'est un amour qui est fatalement platonique et tu te raccroches. C'est à chaque fois deux personnages qui s'accrochent l'un à l'autre dans un monde qui est devenu complètement barge, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc qui est très très fort, parce que toi-même tu sens en fait un peu ce lâcher prise, le fait que le monde soit complètement parti en couille, et t'as envie en fait, t'es toi-même content en tant que joueur de pas être laissé seul dans un monde comme ça. Ouais, c'est ça. Ça te donne vraiment un but, c'est même pas d'arriver à la fin du jeu ou quoi, c'est juste protéger l'enfant que t'as avec toi. Ouais. Et ah, ça moi, c'est un truc très fort. J'ai les mêmes sensations qu'en lisant La Route de Cormac McCarthy, ouais. Qui est centré autour de cette relation entre le père et le fils, et c'est vraiment voilà, le macartisme, hein, évidemment. Il fallait qu'il soit là. Et voilà, ouais, c'est vraiment la relation pure dans un monde amoral auquel tu t'accroches désespérément. C'est d'ailleurs qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il dit? Un monde amoral, ça se passe à Dijon. Ouais, oh là non. Donc, t'es bien qu'il y aura un jeu de mots là-dessus, j'y ai pensé moi aussi, apparemment. Du coup, ouais. Merci. À un moment, Joël le dit dans The Last of Us. Et il dit voilà, il faut trouver une raison de vivre à un moment. Et lui, voilà, clairement, et ces personnages comme Lee qui ont, il y a aussi ça c'est encore autre chose, mais le fait qu'ils ont tous les deux perdu leur famille, que vraiment, voilà, ils essayent de trouver des relations de substitution à travers l'autre personne. Mais je trouve que dans The Last of Us, c'est beaucoup plus intéressant au sens où au début, Joël ne veut pas spécialement la protéger. Il faut la protéger parce qu'elle est porteuse. C'est une mission. Elle voilà, est porteuse ouais. D'un possible vaccin. Pas que le vaccin. Début, jusqu'à la, moitié, ouais, la bonne temps. Moitié du jeu. Et du coup, on t'impose quelque part une relation avec un personnage qui se transforme petit à petit dans le jeu, mais aussi chez toi-même, ouais. En vraie relation, en pure c'est relation. C'est au fur et à mesure que Joël la considère plus comme un boulet, toi, pareil aussi. Et ouais, même ouais. Dans le jeu, dans le gameplay, ça se traduit parce qu'au début, tu la trimbales, après, elle a une arme, après, ouais, ouais. Et après, tu la joues. Donc c'est, oui, vraiment, joues, c'est une gradation. Elle prend une épaisseur et au fur et à mesure où ta relation en tant que joueur se développe avec elle. Et, ouais. Et la relation de Joël. Mais et... c'est aussi vrai de Clementine dans une moindre mesure par rapport à Lee, parce que ouais. C'est vrai qu'il la forme au fur et à mesure. C'est vrai que la relation filiale est plus. Sans la déformer, du coup. Oh là là. Pour arrêter les blagues pédophiles ou comment ça se passe? Elle est plus acceptée dès le début parce que elle est plus dans une situation de faiblesse. Bon, c'est pas le même contexte et tout. Mais voilà, au fur et à mesure, il lui apprend à servir d'une arme et ça devient un personnage utile. Et dans la saison 2, tu la joues. T'es d'autant plus impliqué. Donc, voilà. Ça devient le personnage principal de la série à l'heure actuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais après, il y a une différence clé par rapport à tous les amours prétextes dont on parlait avant. C'est qu'avant, c'était vraiment des jeux d'arcade où vraiment on est dans le prétexte. Ouais. Là, on arrive sur des jeux, tel s'est jamais caché. Ils font des jeux, eux, qui sont narratifs. C'est de la fiction interactive. Ils sont vraiment là pour te raconter une histoire. Pour te raconter une histoire, il faut développer des sentiments chez le joueur. Et donc, ça, il faut te mettre dans des situations, on va dire, extrême. J'ai failli m'en étouffer en le disant, tellement c'est extrême, tu vois. Tellement ça m'a pris à la gorge. Et du coup, t'arrives vraiment sur des rapports humains. Il y a du gameplay dans les jeux tels, il y en a quasiment pas, quoi. Il y en a de moins en moins. Il y en a presque plus. C'est pas ça qu'on cherche. C'est ça. Mais là, clairement, quand tu joues à The Walking Dead, tu cherches pas du gameplay, quoi. Tout ce que tu veux, c'est avoir l'histoire et avoir la fin mot de cette histoire. Le gameplay est uniquement là. Là, c'est le gameplay qui est un prétexte à te faire vivre l'histoire d'autant plus intensément. C'est complètement inversé, en fait, comme rapport. Dans The Last of Us, c'est déjà un peu plus tricky parce qu'il y a beaucoup plus de gameplay déjà. Oui, non, alors non, je vois vous sourire là. Non, c'est parce que c'est mon nom de famille, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tricky quand même. Et ouais, là les rapports ont changé parce que là on est déjà plus dans un jeu qui mélange à la fois du gameplay et de la narration. C'est vrai, ça c'est fait très différemment dans les deux jeux, The Walking Dead et The Last of Us. C'est Fred. Allez, Jamy. Le camion. Et oui, Jamy, nous sommes dans un monde post-apocalyptique. Alors, regardez ces morts-vivants. Comment ça marche un mort-vivant? Alors, c'est très simple. Les plantes. Alors, parce que dans The Last of Us, c'est la narration et c'est l'écriture qui fait que tu t'attaches au personnage. Dans The Walking Dead, c'est les choix que tu fais qui t'attachent. Donc, c'est deux façons différentes de t'immerger dans l'histoire. C'est juste pour ça, c'est l'instant chiant de Star Wars. Non, il y en a un autre après, j'en fais un. Ok, nickel. En gros, il y a une anachronique comme d'habitude. Moi, je travaille sur un auteur pour mon mémoire qui s'appelle Stanley Cavell, qui a parlé de la morale dans le cinéma. Et qui parle pas des films moraux, genre il y a un choix moral ou un dilemme ou de la violence, c'est pas ça, c'est une tonalité morale. Il a inventé le genre des comédies de remariage et il explique que c'est intéressant parce que ça met en scène des moments de l'ordinaire qui, par le biais du cinéma, du support filmique, en deux heures te font vivre la vie de quelqu'un et qui te font voir l'ordinaire dans l'extraordinaire et qui te permettent d'atteindre une perfectibilité, de dire ce qu'il fait là. Ça me donne des idées. Non, l'extraordinaire dans l'ordinaire plutôt. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit. Les gens ont contrairement compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, j'ai oublié parce que vous m'avez interrompu. C'est très simple. C'est que il y a une tonalité morale dans The Last of Us qui fait que, comme dans les comédies de mariage que Cavell a étudié, on te montre ce que peut faire en tant qu'action morale dans un monde compliqué, etc. Joel. Et dans The Walking Dead, c'est pas pareil. C'est des choix. T'es un agent moral. T'as des choix à faire. Tu dois réfléchir vite. Dites, je fais plutôt lui plutôt qu'elle. Alors que l'autre, c'est vraiment une narration, quoi. Donc, c'est vraiment deux trucs différents qui amènent à la même chose, un truc immersif qui te fait après te poser des questions et te transformer un peu, te poser des questions sur ta vie et donc t'améliorer un peu en tant que personne. Mais c'est vrai que dans, un peu moins un connard. Dans The Walking Dead, t'as des vrais passages de choix moraux, quoi. Je crois que c'est dans l'épisode 1. Où tu dois sauver soit un petit garçon du... C'est dans l'épisode 2, ouais, le tracteur. Vers la ferme, là, aussi, ouais. Il y en a un peu partout. Justement, ouais. Là, c'est intéressant parce que au niveau du joueur, je sais pas pour vous, mais moi, ces choix ont été dictés aussi par l'utilité du personnage. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant que... T'es un crevard. T'as pas de cœur, c'est tout. T'es le seul. Toi, t'as pas sauvé l'enfant, t'as sauvé l'adulte. Non, je m'en battais les couilles. Ah ouais. Mais non, parce que je me suis dit qu'il allait servir à rien. Donc voilà. Et ben justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça t'a impliqué en tant qu'agent moral qui doit faire un choix vite dans un contexte. Genre, c'est limite des statistiques. C'est lui, il fera ça. C'est un choix. C'est réfléchi. Alors dans Last of Us, on te montre une histoire et tu y mets ce que tu veux, mais c'est pas la même façon d'immerger les voilà. On comprend ce que je dis. Ouais, pas genre, si, mais prends un jeu ou l'autre, pourquoi tu t'en souviens? Tu t'en souviens parce qu'il y a une histoire d'amour. Et ça, c'est très très fort parce que tu te souviens surtout des relations, et c'est fou parce que c'est des jeux dont tu te souviens principalement par des sentiments. Il y a des moments, tu sais, qui ont été forts pour toi et qui t'ont marqué, et c'est pas forcément des moments de gameplay ou quoi, ça tu les as complètement occultés. Et c'est là que tu vois que c'est des jeux qui sont réussis, tout simplement parce que ils ont réussi à te raconter une histoire et ils ont réussi à faire passer l'histoire au-delà de tout ce qui était le jeu vidéo en fait, là-dedans. Et ça, il y a très très peu de jeux qui font ça aujourd'hui parce que les jeux vidéo sont très souvent très mal écrits. C'est encore désolant, mais ça viendra, j'espère. Et je sais pas. Je pense que ça marche comme ça, très bien. Faire du bien aussi à l'écriture, quoi. Bien sûr. Bah avant, il y a eu Heavy Rain qui a lancé Telltale. C'est dur d'en parler sans se moquer, mais Heavy Rain a lancé Telltale et c'était aussi une histoire d'amour filial. C'était le héros qui voulait sauver son fils. Comment ça, Heavy Rain a lancé Telltale? Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Bah c'est que ils reprennent la formule Heavy Rain, ils s'en sont inspirés clairement, ça se voit. Oui, d'accord. Et ils le disent eux-mêmes. Ils ont été précurseurs dans le genre. Oui, voilà. Je croyais que t'allais me dire que c'était eux qui l'avaient fait. Non, effectivement. Ah oui, non, okay, non. Ok, oui, d'accord. Vas-y, continue. Et donc, c'était aussi une histoire d'amour filial, pareil, avec des choix à faire. Et il essayait de te faire ressentir mal, mais il essayait quand même tout ce que tu pouvais faire pour sauver un gamin dans l'amour filial. Le problème, c'est qu'il n'a pas construit la relation comme dans les jeux qu'on décide là. Il t'a imposé la relation. C'est pour ça que c'était moins bien fait. Il t'a dit, t'as un fils, il est dans la merde, sauve-le. Alors que dans les jeux dont on parle, c'est une relation imposée avec un gameplay chiant. C'est... Voilà, alors que là c'est tragique. Là, c'est du coup, il y a rien qui marche. Du coup, c'est tu te souviens du gameplay parce qu'il était à chier et de l'histoire parce qu'elle était niaise. Ouais, alors que là c'est des relations construites qui après c'est toi qui t'impliques. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant dans The Last of Us et dans The Walking Dead que justement cet amour filial, il vient aussi du fait que ce n'est pas ta fille biologique ou ta fille enfin c'est une pure rencontre, c'est dicté par la situation, la vulnérabilité et du coup, tu peux toi-même dire voilà, je pourrais faire ça. Bah toi-même en tant que joueur, en fait, tu rencontres ce PNJ. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est beau quand tu parles. Ouais, je sais. Je mais, suis bien du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur la saison 2 de Walking Dead. Parce que justement, moi, même si j'ai trouvé que le jeu était quand même très bien, l'histoire était très bien, mais j'ai été beaucoup moins investi émotionnellement dans la saison 2 du fait de l'absence de vulnérabilité de Clementine, en fait. Parce que dans la saison 2, c'est vraiment une grosse badass et je trouve que du coup, elle développe pas des liens aussi profonds qu'on peut avoir que celui qu'on a avec Lee dans la première saison. En fait, le truc, c'est qu'elle a tout simplement appliqué ce que lui avait dit Lee dans la première saison, quoi. C'est-à-dire de faire confiance à personne, de compter que sur elle et sur son flingue, tu vois. C'est devenu. Ça s'explique. Ouais, mais ça s'explique. Du coup, comment t'as ressenti la chose dans la saison 2? Ah, est-ce que c'était moins profond pour toi que c'était c'est beaucoup plus dur parce que t'es obligé, on va dire, de t'isoler dans la solitude d'une gamine. J'ai jamais été une gamine et j'ai jamais été aussi seul que ça. Donc effectivement, tu te distancies vachement plus au personnage. Alors qu'effectivement, je suis un homme d'une trentaine d'années. Je m'implique beaucoup plus dans le personnage de Lee, tu vois. Ouais. Je pense que ça. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de petites filles qui envoient au The Walking Dead saison 2, mais peut-être qu'elles se sont senties. J'espère pas. Peut-être qu'elles se sont senties plus impliquées, tu vois. Mais ouais. Je sais pas. Non, bah, je suis d'accord avec Copie. Ouais. En gros, dans la saison 1, t'arrivais à construire une relation et à t'impliquer dedans. Là, c'est la relation, elle est déjà faite. Et c'est les PNJ qui, eux, ont envie de te protéger. Mais tu t'en fous, c'est des PNJ. Ils se voient quand même que la montagne, t'es petite, c'est pas bien. Mais toi, tu t'en fous. C'est pas toi qui va vers eux, c'est eux qui vont vers toi. Non, mais j'ai retrouvé un semblant de cette relation quand tu... Ouais, mais du coup, je spoil là. J'allais spoiler. Avec la petite fille que tu... Quand tu retrouves un personnage de la première saison... Ah, ouais. Qui est dans un état un peu brisé et du coup là c'est vrai, il y a un peu de ça, ouais, ouais, il y a un peu de ça, mais moins quand même, quoi, parce que j'ai retrouvé des bribes de sentiments, mais c'est beaucoup moins fort, mais beaucoup moins fort, effectivement. Donc c'est, ouais, il est, moi je trouve qu'il est moins bien réussi concrètement la saison 2, effectivement. Voilà, et donc je sais pas, aidez-moi vous. Mais c'est intéressant parce que merci, enfin, est-ce que, ouais, je sais pas ce que je vais dire, mais j'étais juste là pour dire, c'est intéressant parce que on passe là, on a quand on a choisi de développer ces deux exemples, on a pris tout de suite des exemples d'amour filial et pas des exemples d'amour on va dire, on s'en rend compte seulement après, genre les deux sont, ça nous est venu naturellement, ou là c'était vraiment un ressort du gameplay, enfin un ressort immersif en tout cas. Et bah voilà, bah, tout simplement parce que les jeux vidéo ont encore beaucoup de mal à te raconter une histoire d'amour. Ouais, alors ouais, ouais. Là, quand elle est pure comme ça, machin, ça marche bien. Mais une histoire d'amour avec vraiment une romance, tu vois, ouais, ça, ouais, on ouais, a beaucoup plus de mal. Parce que bah, c'est, déjà, on revient un peu sur le syndrome de la godiche, sur lequel ils arrivent pas trop à passer. C'est trop du caillou, hein, et surtout, il y a aussi une problématique qui est celle du sexe, tout simplement. C'est-à-dire que si tu représentes une histoire d'amour, on va dire, pas innocente, mais vraiment amoureuse, bah, il y a un moment, bah, merde, quand on s'aime, on se culbute. C'est comme ça que c'est la con. Philosophie selon Whoopi. C'est con à dire, mais c'est comme mais ça que ça marche. C'est beau. Et du coup, si tu veux, aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une seule scène de sexe dans un jeu, n'importe lequel, où vous vous êtes dit, putain, ouais, c'est bandant. Mais putain, non, jamais, quoi. Moi, je me pignolais sur les sons de God of War. Tu voyais rien, mais oh, les sons étaient excitants. Moi, je recommençais les QTE. À la limite, s'ils le font effectivement comme ça, c'est peut-être là que c'est le moins raté, tu vois. C'est quand c'est dans le non-dit, dans la suggestion. Ouais. Dès qu'on essaie de te montrer du sexe vraiment à l'écran, c'est dégueulasse. Parce que c'est des polygones, parce que tu vois que les mecs, ils ont le regard vide et parce que ça marche pas. Après, sur YouPorn, il y a une catégorie 3D. Mais c'est ce qu'on appelle l'Uncanny Valley. Alors en fait, je sais pas, mais c'est l'Uncanny Valley, ouais, la vallée dérangeante effectivement, ouais. Et qui font que dès que tu veux retranscrire un sentiment humain avec des personnages ou des robots, normalement c'est avec des robots qui ressemblent à des humains, la moindre toute petite différence où tu vois, bah avec non, c'est pas du tout un truc humain, où ça marche pas, ça paraît monstrueux, quoi. C'est parce que ça prend des proportions incroyables. C'est un concept super intéressant. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment le premier facteur qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des vraies histoires d'amour qui soient autres que filiales dans le jeu vidéo. C'est que putain, mais on n'arrive pas à faire du sexe, tout simplement, dans un jeu, quoi. Il y a eu Gone Home un peu qui est basé sur une histoire. Ah, je spoil en fait. C'est quoi ça? Qui est basé sur une histoire d'amour. Tant pis, j'ai spoilé Gone Home. Voilà. Mais c'est une histoire d'amour en non dit. Ouais. Mais du coup, ça passe oui, plus coup, par. J'ai grave spoilé le jeu, donc désolé pour vous. Ça, voilà. Mais ça en parle un peu, ça l'évoque, mais ça l'évoque pas dans. Ça l'évoque beaucoup. C'est des lettres, quoi, que tu retrouves. C'est ça, c'est des lettres. Tu es en train de. T'es en train de reconstituer un peu le passé de ton avatar, et effectivement, tu découvres tout un pan d'histoire d'amour qui est très touchant et qui est très beau, mais c'est une relation épistolaire, donc c'est pas vraiment. C'est, ouais, c'est y a pas de corps dans la relation, quoi. C'est ça. Ça t'implique assez fortement en tant que joueur, mais malgré tout beaucoup moins parce qu'il y a pas de danger en fait. Il y a pas ce sentiment de danger, de péril imminent que tu peux retrouver dans The Last of Us ou The Walking Dead. Là, c'est vraiment un truc. Tu repars. C'est un jeu dont tu ressors un peu bouleversé parce que tu reconstitues une histoire qui est dure, mais finalement sans jamais la vivre, parce que c'est que des lettres que tu retrouves. Mais justement, intéressant que comme tu la vis pas et que tu la lis au final, c'est un peu comme voir une histoire d'amour dans un roman, type un roman épistolaire. Tu découvres une histoire d'amour où t'es pas vraiment acteur. Ouais. Ouais, c'est encore différent comme ressort. Bah, là, c'est plutôt, on va dire, une espèce de de curiosité. Là, ouais, t'es ouais, vraiment ouais. poussé par dans quel sens par l'histoire. Pervers un peu. On peut le dire. Parce que t'es un garçon pervers, oui, sans doute. Mais je pense que d'un point de vue, d'un point de vue plus général, c'est pas forcément pervers. C'est juste une curiosité. Se dans les relations amoureuses. Comment part cette histoire d'amour? Alors que vraiment pour moi, je reviens là-dessus, mais c'est la notion de péril qui donne vraiment corps aux deux autres jeux dont on parle. C'est que c'est qu'il y a un sentiment de danger et d'urgence qui est beaucoup moins. L'urgence, si tu veux, c'est l'amour passionné, vraiment. Et alors que tu vas retrouver dans un truc épistolaire un amour, on va dire plus profond, un truc un peu plus ancré. C'est deux sortes d'amour très différentes aussi pour moi. Mais l'urgence, ça fait pas tout, hein. Moi, je pense là, j'ai une référence éclair qui vient dans ma tête. T'as une histoire avec un docteur urgentiste. Ashley dans non Resident Evil 4. Ou pour le coup, ça, c'est on a de l'urgence. C'est une potiche. Et oui, non, mais pour le coup, c'est directement lié à l'utilité du personnage parce que c'est tellement une connasse qui sert à rien de tout le long du jeu. Ah mais putain, mais ce cri qui rend fou, qui rend tes méduses. C'est génial. C'était insupportable. Et pour le coup, hyper sexualisé. Mais est-ce que c'est pire que Pibolo dans Power Rangers? C'est pas pareil, mais bah pour le coup, sexualiser Pibolo, c'est pas évident. Mais... Oh, tu sais. Oh, y a plein de mecs sur Internet. Hein. Peut-être même autour de cette table. Donne-moi 10 minutes. Ouais, okay. Mais y a aussi To the Moon. Je sais pas si tu as joué. Pas du tout, non. Qui, encore une fois, reconstruit une histoire d'amour, c'est un peu comme Gone Home, mais qui fait avec RPG Maker, je crois, donc un beau tour de force. Où l'amour est au cœur du gameplay, au cœur de... T'as envie de savoir ce qui se passe après, donc c'est comme Gone Home, en fait, donc c'est nul que je parle de ça. Merci. Ok. Non, mais ça montre bien que c'est un sujet qui a été énormément traité. C'est un sujet qui se traite beaucoup plus, on va dire, ces dernières années. Pendant quasiment 20 ans, on n'a eu que des histoires d'amour, j'allais dire à la con, mais même inexistantes, tu vois. Ouais. Et là, on arrive sur une espèce, peut-être pas de maturité, parce que j'ai toujours du mal à parler de maturité ou quoi, mais en tout cas, on peut sentir une espèce de volonté chez les développeurs à essayer de raconter l'amour. Et ça prouve que malgré tout, c'est plus des mecs juste qui s'amusent à geeker dans leur garage et à faire des gameplays rigolos. Non, les gameplays, c'est bon. On a pas mal exploré déjà. On commence à avoir fait le tour du truc. Maintenant, ce qui intéresse les mecs, c'est la narration et ça commence à venir. Ça vient doucement. Mais ça va bien marcher, je pense. Qui est porté aussi par les nouvelles technologies de comment ça s'appelle de motion capture aussi, qui aide aussi ça à développer aussi, ce, ça ce joue genre beaucoup, de relation hein. Parce qu'on parlait de voir Ellen Page dans je sais plus quel comment il s'appelle Beyond Two Souls. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment mais c'est magnifique. The Last of Us c'est aussi fait avec du motion capture. Hein. Ah bon. Ben je crois. Ah, je crois pas. Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. Il y a énormément de jeux qui sont faits. Je suis quasiment sûr de même des FPS à la con où il y a aucun sentiment, c'est de la motion capture. Alors je pense que ça se voit. Je pense qu'ils en foutent partout. Ouais. Mais c'est ça vrai aide que à développer, bah bien sûr parce que ça aide à retranscrire, ça aide à retranscrire des sentiments joués par des acteurs, tu vois. Mmh. Alors que je pense que juste avec des polygones sur un écran, ça c'est peut-être plus compliqué. C'est sûr. Mais du coup, on se rend compte d'une chose qu'on sait, mais c'est qu'on joue que des personnages masculins, alors qu'ils passent d'un modèle ultra viril où justement l'amour avec une princesse. Enfin, à part Mario, où t'es ultra viril et t'es là pour défoncer des gens. Mario, il a une moustache. Il est défoncer très viril. Des gens et des princesses, hein. C'est le but du jeu aussi, quoi. Et on passe avec un, comment dire, avec des personnages qui ont plus de sentiments, qui ont plus de. Mais Joël, c'est quand même un baroudeur, quoi. C'est un baroudeur, mais qui découvre une faille. Oh, et c'est un gros la scène d'exposition fragile. De The Last of Us. Il blinde pas à cause de sa fille, mais. La scène d'exposition de The Last of Us, elle est là pour te montrer une cassure. Parce que je pense qu'on peut raconter, parce que c'est les 10 premières minutes du jeu où justement Joël a une fille biologique qu'il perd et on te fait vivre. Au supermarché, elle est où, bah tant pis. Puis super. On te fait vivre cette perte qui crée une cassure dans le personnage. Le et après, enchanteur. Du coup, quand tu joues ce personnage viril qui est là pour péter du zombie, bah t'as toujours toi en tant que joueur ce souvenir de ce problème qui va revenir à la rencontre d'Ellie. Ce qui est vachement intéressant, c'est que t'as l'autre versant aussi dans l'extension de The Last of Us, qui est Left Behind, ouais. Où tu joues Ellen et tu comprends parce qu'elle perd une personne qui lui est chère aussi pendant l'extension. Ellen, c'est la Firefly, c'est ça? C'est Ellie. Ah ok, Ellie. Tu joues Ellie. Oui, c'est Ellie. Et du coup, tu vois l'autre versant, elle perd aussi une personne chère et ça te fait prendre une perspective complètement différente sur la relation qu'elle a avec Joel pendant le jeu, parce que du coup, c'est pas quelque chose à sens unique, c'est pas juste le côté viril de défendre la petite damoiselle en détresse faible qu'on expliquait comme ça, c'est aussi de l'autre côté, pourquoi elle s'attache à lui, et c'est vachement bah ouais, mais c'est ce dont on est en train de parler depuis une demi-heure. C'est juste que d'accord, j'apporte rien au podcast. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Encore que ton utilité soit discutable, mais d'un point de vue très personnel, c'est gratuit. J'adore. Et mais c'est surtout que on te montre des personnages de plus en plus qui ont un spectre d'émotions beaucoup plus large, quoi. C'est pas juste des, parce que bon, on parle de la princesse Potiche, mais je veux dire, les héros, la plupart du temps aussi, c'est quand même des gros bourrins, quoi. C'est juste mecs qui viennent et qui défoncent tout. Là, on les place dans des situations plus délicates et ils peuvent montrer un spectre de sentiments beaucoup plus large. Réaliste. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas pas avoir, les mecs sont pas tout le temps, ils sont pas tout le temps à fond. Tu vois, des scènes de tension, même au sein de leur amour ou quoi. Il y a du rythme, repos. C'est ça. Il y a du rythme. C'est même le sentiment en lui-même est rythmé et il y a amené ils de. Ils sont dans des situations de faiblesse aussi. Tu vois, Joël, toute une partie qui est allongée en agonisant comme une merde et c'est Ellie qui s'occupe de lui, quoi. Donc, c'est voilà, ça c'est tout un versant que t'aurais pas pu avoir il y a 10 ans. Bien sûr. Voilà. Très bien. C'est bon. Merde. Mais après, est-ce que ça va amener quelque chose de plus ou pas? Après, ça amène déjà quelque chose. Bah oui. Oui, forcément. Mais est-ce que on va pouvoir tirer sur la corde indéfiniment parce qu'on l'a vécu une fois, deux fois, trois fois? Faut pas que ça se généralise au point que ça soit un gimmick. Putain, ça fait combien de fois que le cinéma nous le fait? Tu veux rire, mec? Ça fait plus de 100 ans que le cinéma nous sert la même chose. Et pourtant, t'es toujours content quand un mec arrive à bien te raconter une histoire, quelle que soit l'histoire, même si elle a toujours été dite. Oui, c'est vrai. Bah, parce que des histoires d'amour, putain, mais Sophocle, il t'en écrivait déjà, tu vois. Le truc, c'est que là, t'es acteur, on te la raconte pas, tu la vis. Du coup, est-ce que tu pourrais être aussi, à chaque fois, aussi impliqué que la première fois? Mais c'est ce que Whoopi suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'étape suivante, c'est d'essayer de faire passer cette profondeur dans la relation, cette profondeur psychologique dans la relation amoureuse. Et ça, c'est l'étape supérieure, et je pense que c'est vers ça que ça va se diriger, parce que c'est plus instinctif, c'est plus facile de le ressentir en tant que joueur dans la relation filiale par rapport aux mécaniques qu'on a citées juste avant. Mais voilà, du coup, il y a encore un chemin à défricher, voilà, à découvrir dans cette étape postérieure. Il y a eu Catherine, mais on n'y a pas joué. Je sais pas si toi tu as joué. Moi, j'ai joué. Ouais. J'adore ce jeu. J'en parlerai après. J'adore ce jeu. Tu vas en parler. Ok, bah, on en parlera après. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. En tout cas. Parce que là, il y a un essai vers la relation amoureuse, mais du coup, on en parlera après. Ouais, là, c'est autre chose. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? C'est la question. J'ai jamais été si intelligent sur cette QSD, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. On ramène ça chez les gens, de l'intelligence forcément toujours. Ouais, c'est le credo de ce podcast. De l'intelligence. Et des en parlant d'intelligence, de on va passer à la chronique intelligente du podcast, l'anachronique. Allez. 2,21 gigawatts. L'anachronique. Mon Dieu. Alors sachez que j'ai galéré à faire mon anachronique parce que je voulais faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Parce que je cherchais... Par manque de talent. Tu voulais faire l'amour donc et tu n'as pas réussi. Merci pour ça, ça taille. Il voulait faire direct à la carotide. Allez, à la salut mec. Et bah sachez que non, je n'ai pas réussi à la faire parce que je faisais l'amour. Oh, putain de merde. Non, c'est pas vrai, c'est il fallait... retournement de situation et de femme. Non, c'est faux. Il fallait juste que j'utilise ma carte de chercheur à la BNF pour pouvoir faire mon anachronique et j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin pour un podcast. C'est pas faux. Bref, en tout cas, c'était pas le lieu pour faire ça. Et donc, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, à savoir les lettres que les lecteurs envoyaient à Rousseau, l'auteur notamment de la Nouvelle Héloïse au XVIIIe siècle. Il y avait pas mal d'auteurs de lecteurs qui lui envoyaient des lettres pour avoir des nouvelles des personnages. Pour avoir des nouvelles d'Héloïse du coup. Merci. Okay. Elle s'appelle Julie, mais c'est pas grave. C'est compliqué, l'onomastique. Oh, c'est bizarre. Est compliqué. Mais en tout cas, pas mal d'auteurs qui lui envoyaient des lettres de lecteurs pour avoir des nouvelles. Des lettres. Gens qui envoyaient des lettres à Rousseau. Oui, voilà. À Rousseau pour avoir des nouvelles de Julie qui n'est dans pas la une vraie personne. Qui n'est pas une vraie personne. Mais il voulait vraiment des nouvelles. Alors tout ça c'est très intéressant parce que c'est la question de l'amour pour des personnages fictifs. Et donc je cherchais ça, j'ai pas trouvé de lettres parce qu'elles sont pas reproduites. Merci. C'était une belle histoire de la non chronique. Du coup j'ai trouvé autre chose à faire. Faut savoir qu'il y a aussi par exemple Diderot qui est l'auteur de la station métro Roy Diderot. Voilà. L'auteur de l'auteur entre autres dans l'encyclopédie et d'un roman qui s'appelle La Religieuse. Où lui-même, dans ses lettres, écrit son amour pour son propre personnage. Et tu sais que c'était pas du gâteau. J'ai pas pigé la blague là. La religieuse, le gâteau. Ah, d'accord. Oh là là. Ouais. Très bien, merci. Donc il écrivait dans des lettres son amour à son personnage. Non, mais il l'écrit pour, enfin, pour lui, que il tombe amoureux en fait de son personnage et des complexités de son personnage. Il a un peu mégalo, certainement. Mais clairement, oui, il a des problèmes. C'est trop bien ce que je fais, mais je. Mais après, je pense que le mec, sans mauvais jeu de mots, parce que je te vois venir à des kilomètres, retourne tellement le problème dans sa tête que qu'il finit par se convaincre en fait. Pour lui, je pense que ça a vraiment son personnage a une vraie existence, ouais, parce que je pense qu'il occupe une telle place dans sa vie que c'est sûr. Ouais, quoi. Tout à fait. Et donc ça, c'est un thème de la littérature et de l'histoire de l'art en général qui s'appelle le pygmaliolisme. C'est pas le pignolisme. Le pignolisme, c'est autre chose. Putain de merde. C'est autre chose. Alors ça vient de Pygmalion, l'histoire de Pygmalion, ce sculpteur qui a sculpté une statue de Galatée et il tombe amoureux de cette statue. Donc alors là c'est le problème de l'auteur qui tombe amoureux de son personnage ou de sa création, mais c'est un peu développé vers tomber amoureux d'un personnage fictif ou en tout cas de quelque chose de non réel. Alors ça donne aussi une autre paraphilie, c'est-à-dire une autre perversion sexuelle qui s'appelle la galmatophilie, qui est le désir sexuel pour les statues, c'est très intéressant. On est passé directement. Je veux pas voir tes liens internet, mec. Ah, mais non, c'est la psychanalyse. Ah, il y a beaucoup de liens. Enfin, c'est les mecs font les statues dans genre à Saint-Michel. Il y a des vidéos porno avec eux, c'est incroyable. C'est vrai? Ouais. Quoi? Je vous montrerai après. C'est chaud, putain. Mais genre, quelle statue? Bah, genre, c'est les mecs peints qu'ils bougent pas. Il y en a avec leur bite, ils font ouais. après, ils baisent. Ils font des nocturnes au loup. Pourquoi les statues sont blanches à ton avis? Non. Oh la vache. En tout cas, c'est la sédimentation. Allez, non, c'est fini. Arrête. Mais c'est toi qui as cherché là. Ouais, non, je sais, mais moi-même j'ai honte. J'ai le droit d'avoir honte. Et donc, en tout cas, c'est un biais de la littérature et de la réception de la littérature qui commence à être développé. Je sais qu'il y a eu quelques cours à Paris 3 sur l'amour pour les personnages et l'amour qu'on peut développer nous-mêmes en tant que lecteur pour un personnage. Et un avatar dans la littérature contemporaine, c'est le personnage d'Hermione Granger dans Harry Potter. Oh là. Mais elle, on l'aime parce qu'Emma Watson est bonne. Et non, parce que. Excuse-moi de rentrer les pieds dans le plat comme ça, c'est vrai que dans le bouquin, elle est décrite comme super moche jusqu'à le livre 4, je crois, où elle fait genre une opération magique pour se limer les dents de trucs de merde. Ah ouais? Mais, ah oui, c'est vrai. En fait, avant le bal, elle la voit comme un gros ton. Incollable sur Harry Potter. Et au livre 4, elle devient, enfin, elle se sexualise, en fait, on va dire. Je suis trop vieux pour cette discussion, là. Je suis désolé, les mecs. Non, mais voilà. Fin... D'accord. Moi, je l'ai pas lu, donc je ne peux pas savoir. D'accord. Mais en tout cas, il y a. T'as vécu dans une cave, donc. T'as pas lu Harry Potter? Non, j'ai pas lu. Si, je l'ai c'est lu incroyable. En. J'ai pas lu Harry Potter non plus. Oui, mais toi, t'as le droit, c'est pas la même génération. Ouais. T'as regardé Golden Rock à la place. Ne pas avoir lu Harry Ma Potter. Ma femme m'envoie des messages pour que je parte d'ici tout de suite. Pourtant, elle a rien entendu. Mais si elle savait. Eh oui. T'aurais dit de partir il y a une heure. Donc voilà, il y a beaucoup de. Est-ce que toi, Stavro, t'es tombé amoureux d'Hermione Granger? Non, pas du tout. Moi, c'était Cho machin. Ah ouais? Cho Sheng. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. Et toi, Redemption d'ailleurs, le spin-off. Et toi, Zaza? Excusez-moi. Est-ce que je suis tombé amoureux? Pas en lisant, mais j'avoue que je ne suis pas resté insensible au charme d'Emma Watson. Mais c'est plus lié au personnage que. Tu dis ça parce qu'elle avait 12 ans pour le premier. Non, bah, moi, pour le coup, c'est l'inverse. À partir du livre 4, elle m'a plus du tout intéressé. la puberté, ça. Non, bah, voilà, moi, ça me parle pas. La puberté, quoi, c'est fini. Puberté du c'est tout. La plus-value, la puberté. La puberté. Donc le pygmalionisme, oui, voilà. Non, voilà, je voulais juste développer un peu cet aspect d'amour pour des personnages fictionnels qui peut donc se transposer dans le jeu vidéo. Est-ce que Fifty Shades of Grey, du coup, ça constituerait pas un exemple pour toutes les pucelles en chaleur qui se sont excitées sur Kristen Grey? Non, ça c'est un ressort de la littérature érotique. Littérature érotique de gare. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais de toute la littérature érotique où on a une sexualisation des personnages qui fait que t'as un désir sexuel, mais qui est même pas le fait de la littérature en elle-même, qui est le fait de. C'est juste les situations qui t'excitent. Les situations, quoi. Ouais. D'accord. C'est pas spécialement le personnage. Vu qu'on parlait du pygmalionisme, on peut se diriger doucement, mais sûrement vers l'axe 3, où on va parler un peu de l'amour qui vient de jeux vidéo, mais qui en sort. Et ça, c'est beau, qui devient du vrai amour dans le monde réel, avec par exemple le moe. Alors le moe. Qu'est-ce que c'est très je suis perdu. Hein. Le moe, c'est un terme japonais, mais je vais tout expliquer, t'inquiète pas, je suis là pour ça. On m'appelle passe-partout non, parce que je non, mène je les gens pas. Dans le Fort Boyard qu'est la vie. Voilà. Moe, c'est un mot japonais qui veut dire qui veut dire bourgeonnement et passion en même temps. C'est un homonyme. Bref, on s'en fout. Donc en gros, c'est l'attirance pour des personnages de dessins animés, d'animés, de manga ou de jeux vidéo. Donc du coup, en gros, c'est des otaku souvent qui regardent un dessin animé, qui kiffent la meuf et qui veulent lui faire l'amour ou l'aimer, voilà, ou alors la protéger souvent. C'est quand même un peu de l'amour filial avec, pour des, souvent ces petites filles avec des grands yeux, des petits yeux courts qu'on Mais c'est parce que c'est japonais ça. Et non ouais, et souvent du coup il y a du moe, des gens qui regardent ça, qui les kiffent et qui sont amoureux d'eux, qui achètent des figurines et qui commencent à tripoter leurs figurines. Et surtout qui font des fanfictions. Qui font des doujinshi, des mangas amateurs où elles sont souvent sexualisées plus que de raison. Mais même sans ça, je vais faire juste un aparté de 3 secondes. Il y a un mec qui a 2-3 ans au Japon qui avait joué à un dating sim à la plus et ouais. qui avait épousé la nana, donc il s'est marié avec 2009, un personnage de sa DS. Alors on sait pas si elle était consentante, hein, finalement on n'est pas la meilleure amie du numérique de la personnage a fait un petit discours pour le mariage. What the fuck. Et donc ce mec là l'histoire ne raconte pas s'il a une vie de couple épanouie, on n'est pas sûr. De temps en temps, je pense qu'il la rebranche, enfin bref. Mais vas-y. Non mais c'est ça, bah j'allais venir à ça en fait, c'était le pic de ouais, mais le moe du coup c'est l'attirance comme le pingolonisme mais en termes japonais. Voilà, parce que c'est beaucoup ça se beaucoup au Japon avec les dessins animés et les mecs un peu pervers dessus et les dating sims japonais dont on peut parler. Les dating sims du coup c'est les simulations de drague, les jeux de drague. Ouais. Il y a eu Love Plus du coup, donc un mec a épousé sa DS parce que sur Love Plus il était amoureux de la fille. Donc en gros un dating sim c'est un jeu où il y a souvent les plus connus c'est les Ryokusei, donc c'est dans des lycées. En gros t'as un mec et plusieurs filles, des camarades de classe, et il doit essayer de les draguer tout le long du jeu. C'est genre des jeux de stratégie où t'as des dialogues et tu dois faire des activités avec elles, genre les emmener en pique-nique ou alors faire de la natation, comme ça t'es plus baraqué, comme ça elle t'aime plus. C'est un peu tu gères en fait ton emploi du temps et tes statistiques pour plaire aux filles et au final sortir avec elle. C'est la base du dating sim. Donc Love Plus, c'est un exemple très connu qui est sorti qu'au Japon. Et donc un mec a épousé sa DS et c'est grave chaud. Il y a aussi d'autres gens en Corée qui vont au resto avec leur DS. Ouais, j'ai vu des vidéos de ça. Ah, ils posent leur DS. What sur... Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Monsieur, une tape pour deux, c'est pour moi et ma DS. Je sors avec ma meuf virtuelle. Voilà, il y a pas de souci. Oh, mais merde, vraiment, on en est là? Mais le monde est devenu complètement con, quoi. Bah, achetez-vous des poupées gonflables, les mecs, arrêtez, éteignez vos DS, quoi. Les oreillers, avec imprimés dessus des personnages d'animé. Ouais. Je sais plus qu'on s'appelle un doki, je crois que ça s'appelle. En gros, un animé avec dessus, c'est leur moon, et du coup, les mecs dorment avec et l'emmènent partout avec eux. Ils l'emmènent au cinéma, ils sont tous avec leur oreiller, genre, ah là là, je l'aime et tout. C'est du moe, voilà. Donc c'est un peu pervers, un peu bizarre. Mais c'est vrai que si tu justement là pour les recherches sur le pygmalionisme, j'ai tapé tu tapes sur attention Google, amour pour personnage fictif, tu tombes sur je des sais forums. Pas une centaine d'occurrences sur des forums de gens qui sont dans une sorte de détresse sentimentale parce qu'ils sont tombés amoureux de personnages de jeux vidéo ou de personnages de manga. Alors c'est souvent sur les mangas, mais aussi de personnages de jeux vidéo et qui ont un problème existentiel avec ça. Et il cherche une réponse de. Ouais, je suis amoureux de voilà de Triss ou je sais pas, d'Ashley. Vous avez vu le film Her? Ouais. Ouais. Ouais, c'était exactement ça quoi. Ouais, c'est exact. Ouais. Le mec qui tombe amoureux de son OS. Ouais, bah c'est encore dans Her, elle a une personnalité. Elle a une personnalité. Alors c'est que ouais, c'est ça, c'est aussi un ressort du truc, c'est qu'elle a une personnalité. Alors que là justement, ces personnages à mon avis n'ont tellement pas de personnalité que tu peux, d'un point de vue de psychologie assez basse, mais tu peux y projeter tout ce que tu veux. Tu peux y projeter tout ce que tu veux. Moi. Et ouais, sur ta DS, tout ce que tu veux. Non mais tu peux y projeter tout ce que tu veux, de toute enfin le personnage ne va jamais répondre négativement à ce que tu y projettes parce qu'il est dans le jeu, il peut si tu t'en sors mal, si tu joues mal, il peut te dire non, je veux pas de toi. Mais du coup, je me dis que ces gens sont très forts à yeux, voilà. Non mais en général, c'est des alors là tu parles des dating sims. Ouais. Les jeux de drague, c'est pas pareil, c'est une sorte de ressort du moe, mais là on parle surtout des personnages de manga où de toute façon, ils ont pas de relation avec toi. Ou de personnages de jeu qui n'ont pas de relation avec toi, ça peut être le cas même je sais pas pour un personnage comme Lara Croft où on a eu une vague de sorte d'amour des joueurs pour Lara Croft. Elle était dans un clip de YouTube, elle était en une de Libération, enfin voilà, elle est sortie du jeu, oui, et les gens l'aimaient vraiment en tant que mascotte quoi. La queue de nerds pour tous les meufs cosplayés dans les salons de jeux vidéo en Lara Croft derrière qui sont avec leurs overhands au-dessus pour pas la toucher, pour pas te faire virer par les videurs, mais. Mais là, c'est encore un peu différent parce qu'elle est incarnée pour le coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle est incarnée en tant que. En tant qu'icône, quoi. En tant que ça désincarne la personne qui l'incarne, ouais. Ou elle devient. C'est juste un objet sexuel, en fait. Ouais, sexuel ou pas. Généralement sexuel, surtout pour Lara Croft. Mais Lara Croft, c'est typiquement le personnage qui peut pas répondre négativement à ce que tu lui demandes. Parce qu'elle elle a tellement pas de personnalité qu'elle a des, elle a des traits de... Elle aime l'aventure. Ouais, voilà, l'escalade. Elle aime l'aventure et elle aime avoir des flingues. Elle a des, elle a un héritage bourgeois non négligeable. C'est un bon parti, hein. Elle tue des dinosaures. Bah c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut déjà en les croiser. De dinosaures, juste une petite sélection rien que pour vous de dating sim chelou. Donc de jeux de drague improbables. Pardon. Il y a Jurassic Heart. un jeu de drague avec une fille et, des, et un dinosaure. Quoi? Le but du jeu, c'est de draguer un dinosaure tout le long du jeu, voilà. Cool story, bro. Attends, tu incarnes la fille qui drague le dinosaure? Oui. Ça se passe comment en fait? Vache. Bah c'est un dating sim, du coup t'as des dialogues et après tu dois, comme je disais pendant que t'étais parti, tu rencontres les dinosaures et puis voilà. Après tu fais ta vie, tu dois gérer ton emploi du temps. J'étais au chiotte, j'étais pas en train de couper les saucissons. Moi bon, j'essaie c'est de pas grave. Super. Bref, c'est un dating l'homme sim qui casse la magie. C'est lui. C'est un jeu stratégie en gros de simulation dans de gestion d'emploi du temps. En gros tu dois gérer des statistiques et des dialogues pour essayer de draguer. Quoi. Donc tu parles avec des dinosaures et puis tu. Donc là il y a ça avec des dinosaures, il y a aussi ça. Kreatul Tokoi Shio où tu dois c'était un homme. Un adolescent qui drague un criquet de taille humaine. Un quoi? Un criquet de taille humaine. D'accord. Voilà, bah pour 10 mini criquet mais taille humaine. J'ai pas été jusque là mais peut-être quand tu finis le jeu tu peux pécho. Tu peux te faire 6 Ayox. Mais il y a aussi le je te coupe du coup dans ton top mais il y a aussi le spin-off de Dead or Alive. Beach Volley. Ça a rien à voir. Mais si parce qu'au début tu dois draguer des meufs pour qu'elles viennent dans ton équipe. Ah bon? Ouais. Il y a un mini dating sim dans Dead or Alive Beach Volley. Ok, bah tu m'apprends une chose. Je crois avoir ce souvenir où tu dois plus ou moins draguer carrément tes coéquipières pour qu'elles acceptent de jouer avec toi. Peut-être que je l'ai fantasmé. Il reste peut-être que tu l'as fantasmé, l'histoire ne le dit pas. Il y a aussi Atto Football Fan du coup. Évidemment, ça c'était génial. Ça pour le coup je l'ai fait, c'était assez exceptionnel. Donc tu dois draguer un pigeon du coup, c'est bien ça. Ouais, t'incarnes une jeune adolescente dans un Japon un tout petit peu fantastique dans la mesure où les pigeons sont devenus des personnes comme tout le monde. Et en fait tu es une espèce d'élu. On sait pas trop comment ça arrive, mais tu es donc la première humaine à être acceptée dans le collège des pigeons. Donc tu vas dans un collège et autour de toi il n'y a que des pigeons. Alors évidemment il y a des pigeons qui te trouvent bonne. Et alors donc il y a des pigeons qui essaient de te draguer doucement, picorer, tu vois. Ouais. Et toi surtout t'essaies de. Ce qui est mystérieux dans cette histoire, c'est que cette fille-là, ça pose pas une seconde la question de se dire c'est des pigeons, tu vois. Elle est vraiment au-delà de ça. Elle est dans l'amour le plus pur qui soit, quoi. Putain. Le truc vraiment au-delà du sexe ou de ce que tu veux. Alors, elle est juste. Elle est juste en train de se dire, putain, il y a des pigeons partout, et puis, lequel tu préfères, tu vois, avec lequel tu rentres le soir, quand il faut te faire accompagner chez toi, avec qui tu vas aller passer ton week-end, qui c'est que tu vas amener à la fête du collège, tu vois, putain, il y a plein de questions comme ça, il y a plein de moments un peu tendus. Qui va te prendre sous son aile. Ouais, effectivement. Et donc, évidemment, t'as tous les archétypes, tu vas avoir le capitaine de l'équipe de baseball, tu vas avoir le mec qui est, le champion de, je sais pas, d'échecs du collège, mais tu vas avoir quel intérêt de mettre des pigeons. Si c'est en gros, c'est un dating sim normal mais avec des pigeons. C'est un dating sim normal mais avec des pigeons. Et l'intérêt d'avoir des pigeons, je sais pas, moi j'ai voulu voir ça comme une espèce d'ode fantastique à l'amour, tu vois, à aller au-delà des préjugés. C'est pas parce que selon tes critères, il est pas beau que c'est peut-être pas l'amour de ta vie. Je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Je suis pas sûr que c'était vraiment comme ça. Je suis quelqu'un de fabuleusement plein de bons sentiments. Mais et puis il y a des passages un peu tricky aussi où tu te rends compte que ton prof, c'est un vieux pigeon. Il aimerait bien te choper lui aussi. Et alors là, j'ai refait le jeu plusieurs fois, j'ai vu des vidéos où tu peux arriver à choper ton prof. C'est un peu compliqué. J'ai pas réussi, j'ai été un peu déçu. Mais bon, ça s'arrête à l'instant où il y a même pas un bisou, je pense, c'est juste allez, t'es mon copain. Ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Ils sont pas allés, il y a pas la nuit de noces. Clairement, on sent la déception. j'aurais voulu qu'ils consomment, tu vois, j'aurais voulu voir le truc un peu comment ça se marche. Il y a un organe sexuel de pigeon, moi ça me parle même pas. Ça parle pas, hein. Globalement, ça parle pas trop. C'est pas fait pour ça. Et dernier dating sim chelou, après celui-ci, Katawa Shujo, avec t'es une fille, tu dois draguer des handicapés, donc des amputés, des choses comme ça. Voilà. Apparemment, il est très bien fait. C'est vraiment une ode au handicap et à l'amour. Donc c'est très beau. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois ça typiquement, c'est des jeux où très souvent, bon après c'est très souvent japonais effectivement, mais quasiment tout le temps, t'incarnes une nana. Ouais. Alors que ouais. dans tous les autres jeux du monde, ou presque, t'incarnes un mec. Et je sais pas, j'ai trouvé ça toujours curieux. Est-ce que pour autant c'est plus joué par des nanas, Ça, c'est une vraie question. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a plus de nanas qui jouent à ça, ou est-ce que c'est des mecs genre qui jouent à ça en se disant, hey, comment on fait, mec? Ouais. Apprends-moi un peu ce qui se passe dans la tête des filles, un peu le mode d'emploi. Bon, elle veut sortir avec un pigeon, mais je suis presque sûr que ça peut marcher dans la vraie vie. Est-ce qu'elle me considère comme un pigeon? On est tous le pigeon de quelqu'un, tu vois. Du coup, c'est intéressant peut-être de parler à ce moment-là de Catherine, parce que c'est à mi-chemin entre le dating sim et il incorpore d'autres mécaniques de gameplay, donc de plateforme en plus. Et puzzle aussi, je crois, un peu. Ouais, puzzle, plateforme. Clairement. Et qui transcende un peu l'expérience. Donc, Oupi, apparemment, t'es carrément fan du jeu, donc peut-être que tu peux le pitcher un peu. Alors. Catherine, comment te dire, c'est l'histoire d'un mec. Putain, on dirait un mauvais sketch. On dirait un mauvais sketch de Coluche. Ah non, il n'y a pas de mauvais. Classique. Mais c'est l'histoire d'un mec, en tout cas, qui sort avec une nana qui lui casse un peu les couilles. On va pas se mentir, c'est une nana compliquée, comme il y en a tant de par le monde. C'est Catherine avec un C, c'est ça? C'est Catherine avec un C. La première, ouais. Et non, la première, elle a un K. La nana avec ou l'inverse. Enfin bref, je sais plus. L'autre. Et du coup, il y a deux Catherine dans sa vie, donc il y en a une qui lui casse les couilles de partout. Et en fait, un matin, il y a une beuverie. Tous les soirs, après chaque niveau, c'est un jeu déjà qui n'est pas du tout un jeu d'amour. C'est un jeu de, c'est un pousse-bloc en fait. Tu dois pousser des blocs pour arriver à atteindre la sortie d'un niveau. Et derrière, tu as un soir, alors que tu as trop picolé avec tous tes potes, tu te réveilles et dans ton lit, il y a une nana. Tu sais plus du tout qui c'est. Et c'est la nana. Situation classique. Situation classique, évidemment. Et c'est la nana dont tu as toujours rêvé. Elle s'appelle Catherine aussi. Mais contrairement à ta meuf actuelle, elle n'est qu'amour, tu vois. Elle est Catherine juste. Avec un K, du coup. Elle est, ouais, je sais plus, ça, on si, sait pas, ça. Mais bref. C'est un plan K. Ok, d'accord. C'est un plan K, ouais. Bon, oh, merde. Cette blague était beaucoup trop nulle. Et c'est une nana donc qui est tout ce que n'est pas ta vraie copine. Bon, elle est belle, ta copine aussi est belle, mais elle a un peu cette espèce d'ingénuité. Elle est un peu innocente, elle est sexy. Bah l'autre aussi, l'autre aussi elle est belle, mais seulement elle se fout pas en nuisette tous les deux plans. Alors que Catherine, mais le truc qui est perturbant, c'est que tu reçois cette nana, tu sais pas trop qui c'est, et elle commence à t'envoyer des textos un peu tout le temps, et les deux histoires qui se mêlent, avec évidemment des scènes, on te torture dans tous les sens, quoi. Il y a des moments où, évidemment, tu travailles avec encore cette Catherine dans ton lit, dont tu rêves, alors que tu te souviens même pas de l'instant où elle est rentrée dans ton appartement, et tu te rends compte qu'il y a ta nana qui est en train de taper à la porte, et t'es là, putain, c'est de merde. Un peu, ouais, ouais, ça joue un peu là-dessus, et des grosses scènes de tension, comme les Japonais adorent en faire, avec le mec qui a des yeux impossibles et la sueur qui goûte de partout, Ça marche très très bien. L'histoire est très cool. Et donc, est-ce que tu t'es identifié au personnage principal? Parce que là, c'est des thématiques qui sont plus, par rapport aux romances qu'on a pu évoquer avant, qui sont vraiment très... qui n'étaient pas des romances, justement. Oui, là, c'est une romance. Dans les relations amoureuses. Là, dans la romance, qui sont vraiment des problématiques du quotidien, quoi, de la relation type que tu peux avoir avec quelqu'un. C'est un mec qui se pose des questions. Est-ce que je suis prêt à me marier avec ma meuf? Est-ce que je devrais lui dire que je la trompe? C'est parce ça. Que, voilà. Donc, c'était vraiment... Est-ce que tu t'es identifié à ces problématiques-là avec les mécaniques de gameplay ou pas tellement? Non, parce que je suis un garçon tout à fait fidèle et tout à fait honnête. Mais non, mais elle écoute, là, madame. Je sais pas. Dans le doute. Ça devient perso là. au-delà de ça, si tu veux, c'est vraiment. Tu retrouves ce mec qui est tiraillé. Il a cette nana donc avec qui il a construit sa vie, qu'il aime beaucoup. Et en même temps, tu vois tous les soirs les problématiques donc qui se posent avec tous ses potes au bar, alors qu'il picole beaucoup dans ce jeu. Il se retrouve au bar et là, putain, mais le gameplay en journée, c'est quasiment que au bar en fait, ou dans son. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux phases de gameplay qui sont très différentes. T'as la phase tout ce qui est action et qui sert quasiment à rien, et t'as toute l'histoire autour. Enfin, c'est plutôt l'histoire autour qui sert à rien, mais qui finalement fait tout l'intérêt du jeu, quoi. Oui, parce que tes choix influent sur la fin. Tes choix influent sur les puzzles que tu vas faire aussi ouais. À certains moments. Et donc tu te retrouves dans la peau de ce mec qui sait pas trop si c'est la femme de sa vie, et avec des vrais questionnements finalement, vraiment. Est-ce que je dis à ma meuf que je la trompe? Est-ce que c'est bien réussi? Parce que d'ailleurs on se pose la question de l'Eldorado des romances réussies. Est-ce que là du coup c'est le cas d'un jeu qui réussit à en parler? C'est pas les mêmes thématiques. Enfin non, justement c'est pas les mêmes ressorts gameplay en fait. Là le thème central c'est l'amour. Mais il y a plus cette notion de vulnérabilité qui te force à ressentir l'amour en tant que joueur. Du coup, c'est pas les mêmes. C'est plus une identification un peu basique, mais qui fait pas appel aux mêmes sentiments, je trouve. Non. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr. Parce que là, c'est un amour qui est pas pur du tout. C'est un amour qui est bancal en fait. C'est un mec qui est en train de se demander est-ce qu'il va rompre avec sa nana pour sortir avec la nouvelle nana avec qui il a une histoire, tu vois. Voilà. Donc on n'est plus dans un amour fantasmée, idéalisée, pure, inaccessible, tout ce que tu veux. Là, c'est un amour qui est très concret. Il y en a plein, il y en a trop d'ailleurs. C'est le problème du jeu. Et vraiment, c'est des problématiques qui sont au-delà de la vision de l'amour. En fait, c'est juste la relation amoureuse au quotidien. Et ça, c'était très très bien réussi, j'ai trouvé. Je voudrais juste m'arrêter sur un point que tu viens d'évoquer que je trouve vraiment très intéressant et qui par rapport à ces références-là. Enfin, c'est un questionnement qui m'est venu du coup. C'est par rapport à la pureté en fait de la relation. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans ces jeux vidéo où le thème global est celui de la relation romancée, de la relation amoureuse, est-ce que on n'a pas un idéal amoureux qui est prôné dans ces jeux vidéo et qui est imposé aux joueurs ? Moi, je pense. Bah, t'as la réponse à ta question. Non, mais c'est vachement intéressant par rapport à la référence de Catherine parce que déjà le pitch de base, c'est que il y a une épidémie chez les personnages infidèles qui fait que quand ils meurent dans leurs rêves, ils meurent en réalité. C'est ça. Donc déjà, ça c'est le postulat de base du jeu. Donc putain, je comprends plus rien au jeu. Non mais en fait, on t'a dit il y a deux phases de gameplay et le soir ouais. c'est un peu des puzzles, c'est ses cauchemars en fait qui vit et c'est d'accord. des phases de puzzle. Ah oui, d'accord. Et en fait, les gens qui meurent dans ces phases-là, il est pas tout seul parce qu'il rencontre des gens au bar. Les puzzles, c'est quand ils rêvent en fait. Donc d'accord, tu vis la vie du mec de tous les jours et le soir quand il s'endort avec sa journée finie. Et que t'as fait tous tes choix, tu peux faire plein de trucs, tu peux envoyer des textos à ta meuf, tu peux lui dire soit que tu l'aimes, soit que t'as plus envie de la voir, soit de pas lui répondre du tout. Tu fais plein de choix comme ça, et le soir quand tu t'endors, boum, il y a un puzzle, et tu sais que si tu meurs pendant ce puzzle, eh ben tu meurs pour de vrai. D'accord. Donc ça n'arrive qu'aux gens infidèles. Ça n'arrive qu'aux gens infidèles. Et donc ça te pousse à essayer à te dire putain, est-ce que vraiment si je suis fidèle, je vais avoir des niveaux plus faciles ou un truc comme ça. Et en même temps tu te dis mais fidèle à qui finalement ? Tu finis au bout de plusieurs niveaux, tu finis par te dire mais quelle est la fille des deux que j'aime, tu vois ? Et c'est vraiment un truc qui moi m'a choqué parce que au début tu prends le parti évidemment de te dire putain merde, déjà on te fout dans la peau d'un mec infidèle, ça arrive pas tous les jours dans les jeux vidéo. Et après surtout on te met dans une situation où c'est beaucoup moins simple, t'es pas juste un salaud, t'es juste un mec en train de se demander bah qui c'est qu'il aime quoi. T'es pas un salaud mais le jeu te fait quand même comprendre qu'il y a un bon choix et un mauvais choix. C'est moralisateur. C'est l'amour hétéro-monogame sous le couvert du mariage, en fait. Et finalement, c'est ça que ces jeux essayent de prôner. C'est pas la fête du slip, non. Effectivement. Voilà. On est d'accord. C'est pas la fête du slip. Caution intellectuelle du podcast. Ce n'est pas la fête du slip, effectivement. Ça pourrait être le titre de l'émission. C'est intéressant parce que tu disais, Whoopi, que tu t'amènes en tant que joueur à faire un choix de type qui est celle que j'aime, à qui je dois être fidèle. Et dans ce cas-là, encore une fois, on change la mécanique de jeu. Et là, tu es impliqué en tant que joueur, ouais. Où ta relation, c'est à toi de la faire. Ouais. C'est à toi de la construire, quoi. Il faut que tu la bâtisses, et c'est surtout pas, c'est pas dirigiste. Il y a beaucoup de fins différentes, donc tu peux arriver dans plein de situations, quoi. À la fin, tu peux être peut-être pas, si, enfin, il y a tous les spectres. Tu peux être fidèle et heureux. Tu peux avoir trompé ta nana et être parti avec l'autre et être heureux. Tu peux être infidèle et malheureux. Tu peux être juste, ouais. Tu peux finir pas, seul. Tu peux c'est finir. Pas si neutre que ça. Enfin, il y a une autre mécanique dans Catherine qui est les tests de moralité, tu sais, où ils te posent des questions. Ah, j'avais oublié ça. Oh là, cette saloperie. En fait, sous une forme de confessionnal, et t'as des bonnes et des mauvaises réponses en fonction de la morale interne au jeu, et qui est justement ce côté insidieux qui essaye de te forcer cette relation stéréotypée dans la gueule et qui est pas justement complètement innocente. C'est pas peu importe ce que tu fais, de toute façon tu finiras heureux, tu vois. C'est pas tu peux tromper ta meuf et ça ira bien de c'est toute ça. Façon. T'as un côté moral comme ça qui quand t'as fini est un niveau en fait, quand t'as réussi à survivre à ta nuit, donc à arriver à grimper tout le labyrinthe qu'on t'a posé dans la gueule et à pas mourir, t'arrives donc dans une espèce de purgatoire où sont là tous les mecs infidèles qui zonent un peu et qui voient que de jour en jour, bah c'est toujours les mêmes, mais ils sont de moins en moins nombreux, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui ont pas réussi les puzzles et tout. En plus, tu les vois, les mecs, pendant les puzzles, des fois, t'es obligé de tuer des mecs, quoi. C'est chaud, ça. Mmh. T'es obligé de tuer des gars juste pour passer, toi. Enfin bref, tu te bats contre d'autres mecs infidèles. Et donc, t'arrives dans un confessionnal où on te dit, bon, bah, aujourd'hui, à ta nana, tu lui as dit ça. Ou alors, on te pose des questions, genre, en général. Est-ce que vous considérez que coucher avec une autre femme, c'est forcément être infidèle? Les résultats sont rendus à mythique. Tu réponds genre oui ou non, et à la fin, les mecs, ils te jugent pas, mais ils te disent, ben voilà. Tant de pourcentage des joueurs ont répondu ça. C'est chaud. Et là, tu vois un peu la psychologie des mecs. C'est hyper insidieux. Et tu te poses des questions sur toi aussi. Tu te dis, putain, mais attends, j'ai répondu ça, mais est-ce que ça veut dire que, putain, mais je suis pas du côté de la majorité? Est-ce que je suis un salaud? Est-ce que finalement je suis un bon garçon, tu vois? Effectivement. Je sais pas. Mais ça, je trouve, c'est, mais c'était très intéressant. Et surtout, ça te questionne, ça te sort vachement du jeu, quoi. T'es là, putain. Est-ce que j'ai répondu ça, mais est-ce que moi, en tant que personne, Est-ce que ça veut dire que je suis juste un mauvais être humain, quoi? Est-ce que j'aime mal les gens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis un connard? Tu finis par te poser la question. Combien de suicides après Catherine? Combien? Et non, ce jeu était définitivement génial. Il y a pas un truc à la fin, genre 30% des joueurs se sont suicidés à la fin de ce jeu? Non, parce que ceux-là n'ont pas répondu au sondage. Moi, je sais pas vous regarder, mais moi, voilà. Oui, je sais pas, t'es animateur, non? Ouais, a priori. Hein. Il y a une bière un peu encore ou pas? Ça se trouve. Là. Ok, cool. Ouais. Merde. Il y en a une sur la table. Hop. Tout va bien? Il y a du PQ quelque part. Okay. Pendant qu'on réfléchit à tout ça. Ouais, hein, tu vas peut-être sacrifier ce truc là, non? On peut faire une pause, non? Interruption, non? Non, tout va bien. Ok, c'est du live. Putain, tout en est foutu partout sur le jean, mec. C'est pas grave. Ok. Le jean, ça coûte pas 300 euros. Donc, on disait, oui, l'amour qui sort du jeu pour... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Parce que moi, cet axe, je l'ai pas très bien compris. Donc, j'avais pas grand chose à dire dessus. Bah, mais là, du coup, Catherine, c'était très intéressant. Mais il y a aussi... Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'amour réel, du coup, qui viennent du jeu vidéo? À part le Moé, à part le Pic de Malonisme, à part Catherine, qui devait te poser des questions sur toi, est-ce qu'il y a encore d'autres façons, via le jeu vidéo, doit t'interroger sur l'amour ou alors de faire de l'amour avec le jeu vidéo. De façon peut-être un peu moins impliquée que ce que tu peux retrouver dans Catherine, on peut peut-être parler rapidement de jeux comme les Sims ou Second Life, où vraiment là tu as des gens qui vont essayer de recréer des relations, bon, relativement réalistes, hein, qui n'a pas rompu avec sa copine en disant stagala stabra. Voilà. Si... pas mal de gens, je pense, en fait, enfin, vraiment, un sondage. Non, mais en dehors de ça, ça joue sur, c'est des jeux qui ont vraiment beaucoup marché, surtout dans le début des années 2000, et je pense que c'est intéressant au point de vue de la psychologie du gamer et de l'évolution de la sociologie du gamer, en fait, parce que je pense que, dans les mots sont lâchés. Si, non mais même si aujourd'hui c'est un média qui est qui est beaucoup plus démocratisé qu'à l'époque, je pense que dans les années 2000, même si on va pas tomber non plus dans le stéréotype du gros gamer geek loner devant son PC, voilà. Mais à l'époque, t'avais quand même un profil qui était plus général et je pense que c'était plus facile de jouer sur cette peut-être solitude de la figure du gamer isolé. Non, parce que les Sims ont amené un large public qui avant ne jouait pas. Il y a tellement de gens qui ont joué aux Sims en tant que premier jeu. Ma mère a joué aux Sims pendant très longtemps. Ça a amené un autre public qui du coup n'était pas celui que tu essaies de décrire. Donc je pense que ta réflexion ne marche pas. Voilà, monsieur. On est là pour débattre en même temps. Oui, hein, c'est bien, ça te permet de te réveiller. En 2015, dire ça, c'est scandaleux. Parce que t'essayais de dire quoi? Que ça c'est une sorte d'appel aux joueurs tristes tout seul. J'essayais de faire une corrélation parce que on remarque que Second Life, les Sims 2, qui est là où il y a vraiment commencé à avoir énormément de gens qui étaient dessus, c'était au début des années 2000, c'était 2003-2004, et là c'est un truc qui est en perte de vitesse, donc j'essayais de suggérer une corrélation, mais tu peux très bien démentir ce que je suis en train de dire, ça me pose pas de problème. Bah je démens dans le sens où oui, les Sims ça en est beaucoup de nouveaux joueurs dans le marché du jeu vidéo, et que Second Life, Habbo Hotel ou des trucs bizarres où t'as un avatar et tu parles avec d'autres gens en avatar, c'est genre un chat mais en 3D. J'avais compris l'intérêt, mais peu importe. Bah, l'intérêt, pareil, c'est de vivre une vie fantasmée, de recréer ta vie. Clairement, le nombre de clubs SM qu'il y a dans Second Life, je pense que c'est pas le même type de joueur que ceux qui jouent à Call of, quoi. Il y a des gens qui sont mariés en se rencontrant sur Second Life. Il y a oui, des gens même qui ont WoW, à cause de Second Life. Sur WoW aussi, il y a plein de mecs qui n'a pas un pote, enfin un couple autour de soi qui s'est formé sur WoW, quoi. Ouais, mais là, c'est un peu différent. Bah, c'est l'amour qui sort du jeu, non? C'est pas ça le thème du truc, non? Exactement. Bim! Non, mais. Je vais essayer de te recadrer un peu dans ton émission, non? Ça marche? Oh là là, sans pitié. Non, mais c'est juste que je dis que c'est plus flagrant. Je dis pas que ça peut pas exister dans d'autres domaines. Bien sûr, non, mais si. Le but, c'est quand même de te créer une petite vie parfaite. Et dans le modèle fantasmé des gens, la petite vie parfaite comprend une famille monogame. Voilà, c'est un peu le concept. Et... Dans les Sims, parce que tu peux tromper, tu peux avoir des relations homosexuelles, des relations avec des robots. Enfin, tu peux faire plein de choses dans les Sims. Donc, du coup, le modèle monogame que tu essaies de voir, il marche pas trop. Bah, si, avec des robots. Non, je vois pas en quoi c'est problématique. Partout des Après, robots. C'est beaucoup plus simple de te débarrasser de ta femme. Il suffit d'enlever l'échelle de la piscine pendant qu'elle est dedans et elle peut mourir. Donc c'est vrai que ça faciliterait beaucoup de choses dans la vraie vie. C'est sûr. Merci. Ouais, merci. C'est bon. Ouais. Pro tip. Si vous cherchez à vous débarrasser de votre femme, trouvez une piscine. Enlever l'échelle. Ça fait plaisir. Donc ouais, je sais pas, parce que bah non, je sais pas. Parce que vraiment, je pense que ça a démocratisé le jeu vidéo pour beaucoup de gens et du coup, c'est pas un produit d'appel pour des gens qui essaient de construire une autre vie. Les Sims, c'est pas vraiment, je pense que tu vois trop de choses dans les Sims. C'est la maison de poupée, c'est tu joues à faire une famille, mais tu t'impliques pas tant que ça, y a pas de sentiment quand c'est tu joues. C'est pour ça que j'ai séparé ça des autres. C'est parce que pour moi, tu reproduis une vie fantasmée, mais ça veut pas dire pour autant que tu es impliqué émotionnellement dans la relation possible. C'est comme jouer au Lego, c'est comme voilà, voilà, c'est la même chose. Mais quand t'es enfant, tu joues à l'amour voilà, quand même fais, un peu, tu vois, tu joues au maman et au papa et à la maman. Tu reformes un peu, tu reformes autour des couples dans ce genre de jeu, tu reformes un peu, je sais pas. Et après, effectivement, tu t'impliques jamais, mais il y a un truc intéressant dans le fait que putain, mais qui dans les Sims se dit je vais rester tout seul quoi. Personne, ouais, tu vois. Et ça, c'est toujours curieux. Dans ce cas-là, d'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Il l'a mieux expliqué que toi, je trouve. C'est d'accord, super. Bah, en même temps, c'est pour ça qu'on a des invités. Très bien, grosse ambiance. Ouais, très grosse ambiance, là. Grosse ambiance, allez. Un quiz, non? C'est la kermesse. La taxidermie. On peut passer à... Non, bah, le quiz, on l'a fait, en fait. Non, mais pas le quiz, mais on peut passer à... On peut refaire le quiz. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le troisième axe de l'amour qui sort du jeu vidéo? Je pense qu'il y aurait des choses à dire, mais on a déjà passé pas mal de temps, je sais pas. Ou est-ce que t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Non, merci. Voilà. Allez, on sent la grosse motivation. C'est pour ça qu'il a déjà un pied dehors. Il a beaucoup travaillé déjà, laissons-le. J'en ai parlé, c'est moi qui fais toute la rubrique, mec. C'est vrai. Oh là là. Allez, non, ça... Franchement, c'est beau. Ça, c'est de la belle mauvaise foi, t'es bien intégré dans la FK, c'est magnifique. C'est beau. Et du coup, on va passer, en parlant de mauvaise foi, en parlant de choses qui fâchent, on va passer à une vie Patrick polémique, comme on le disait tout à l'heure, parce que suite aux événements qu'il y a eu à Paris, Charlie Hebdo, etc., Alexandre s'est dit, on va parler d'un sujet non, qui fâche. Pour le parler... coup, il l'a dit il y a au moins 3 mois qu'il voulait faire ça. Oui, mais là, il a dit, je vais le ressortir pour l'occasion. Parce qu'il a parlé, du coup. C'était l'excuse pour pouvoir le faire. Au nom de la liberté d'expression, vie Patrick défendue il y a peu, il va, faire de l'humour sur un sujet parfois grave, le djihad, voilà, qui peut ne pas prêter. Allons-y, sortez les cotillons, le djihad, c'est parti. C'est parfois grave. À la liberté d'expression, s'il vous plaît. Je suis charia, hashtag. Coupez son micro. Non, putain, non, ça part mal. Allez, on y va. Fais gaffe, mec, il y a des mecs qui sont allés en tôle pour ça. Hein. Ah merde, c'est vrai en plus. C'est marrant parce que c'est vrai. La semaine dernière, Patrick a comme tout le monde assisté aux tragiques événements qui se sont déroulés à Paris et comme tout le monde, il n'a pas compris. Pourtant, loin d'être tétanisé, Patrick a été animé d'une folle envie de comprendre qui étaient ces 3 fous furieux qui, fatigués de ne pas trouver ce putain de Charlie après l'achat de plus de 24 tomes, ont finalement laissé libre cours à leur frustration de la manière qu'on connaît. En recherchant un peu sur internet, Patrick a donc répondu à une annonce de colo de vacances émise par le site officiel de l'État islamique en Irak et au Levant, dont vous pourrez trouver le lien dans l'onglet Amis du site www.dieudosphère.com. Patrick partait donc avec la ferme intention de découvrir ce qui s'y tramait, dans un esprit d'abnégation et de journalisme total les plus admirables. Et puis va savoir pourquoi en ce moment, sur les compagnies aériennes irakiennes, les allées simples sont à moitié prix, avec atterrissage au sol optionnel pour la modique somme de 50 euros. Bon, déjà, en arrivant, on constate une évidence, c'est la dèche la plus totale. Oh. La Daesh même. La Daesh. C'était la blague. Ah, pardon. Entre Mokhtar Ben Mahmoud qui traite les chèvres entre 2 décapitations, paraît que ça donne soif, et Abdelatif qui se rase les poils pubiens en cran d'arrêt parce que oui, il sait très bien que ça empêche le sida des prisonnières de s'y accrocher, le cadre est posé. Un peu déçu de réaliser à son arrivée que la colonne n'était pas mixte, Patrick est bien vite rassuré par les gémissements qui proviennent des différentes caves mises à disposition des autres colons, sous le regard bienveillant des organisateurs. Plusieurs ateliers sont disponibles pour s'occuper pendant la journée, avec notamment un atelier de prise de parole en public et montage numérique, avec des intervenants de qualité comme le fameux réalisateur Hassib Souraki, notamment connu pour avoir réalisé les films « Meurs chien infidèle 2 » ou encore « Oui, c'était nous, et alors tu vas faire quoi ?» Ça va trop loin. La déception était cependant au rendez-vous sur l'atelier sobrement intitulé Attentat suicide, ayant été récemment fermé et ce de façon définitive. Feu, l'instructeur de l'atelier restera à jamais dans les mémoires comme un professionnel de qualité, n'hésitant pas à démontrer les aspects pratiques de la discipline à ses étudiants avides de connaissances. Côté pitance, Patrick a vite constaté que on l'avait inscrit d'office en tant que repas sans porc. Il avait bien dans l'esprit d'aller rectifier cette erreur administrative, mais les dames de cantine se montraient peu réceptives à ses requêtes. Le barrage de la langue, sans aucun doute. Celle-ci étant généralement sectionnée à l'arrivée des femmes sur le site. Oh non! Non! Finalement, Patrick, un peu déçu par les promesses mirobolantes d'Isis, est rentré bien penaud de sa colonie de vacances, ramenant pour tout souvenir la valise commémorative distribuée à tous les participants qui exprimaient leur souhait de prendre le chemin de l'aéroport. Plus instruit sur la vie des hommes de Daesh, Patrick a décidé de faire partie de la solution en se lançant dans l'édition d'un livre de Solus pour tous les numéros d'Où est Charlie, jamais paru. Parce que c'est en continuant d'imprimer et de dire toutes les conneries qu'on a envie de dire qu'on montrera que, fatwa ou pas, même pas peur. Bravo, ouais. Non, c'était beau. C'est à la fois beau et en même temps le truc le plus scandaleux que j'ai jamais entendu. On est entre c'est deux. C'est au nom de la liberté d'expression. Voilà. Très bien, bah. Okay. Elle est contente, je pense, ça lui a fait du bien. Merci. Elle te dira sûrement merci. Dans l'anthologie. Des gens, en tout cas, des gens vont venir te dire merci, je pense. Ils vont j'aimerais te voir en prison, c'est pas grave. Pour te remercier. Non, ça vous dérange, là? Ça vous a dérangé? Je ne sais pas. Je ne me prononce pas sur ce qui vient de se passer. Je me désolidarise. Non, oui. Moi, ça m'a fait rire. Mais rire, un rire gêné, nerveux. J'étais pas bien. J'étais comme Fogiel. Ah bon? Non, mais non. Je suis un peu déçu. Alors, non, c'était très drôle. Non, c'était très drôle. On sait pas quoi dire parce qu'on n'a pas d'aller en prison. Mais c'était très drôle. C'est tout. C'était très drôle, très bien. Bah, merci. Je suis invité dans cette émission. Je le précise à toutes fins utiles. Bon, bah après ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a réussi à dire des choses intelligentes sur le jeu vidéo? J'espère. On a parlé du coup de l'amour en tant que ressort cinématique, en tant que ressort immersif et en tant que parfois il peut sortir de jeux vidéo. En tant que parfois. C'est dans le Robert 1932, mais n'oublions pas la théorie du caillou. Ah, la théorie du caillou. La grande découverte. C'est vrai qu'on a eu quand même de la théorisation autour de ce podcast. Qui restera là, immortel. La théorisation. Oui, ça me plaît. Excellent. C'est super. La taxidermie. Ok. Donc, on va se quitter. Merci beaucoup, Pete, d'être venu. Ça nous a fait plaisir. Merci. Ça m'a fait très plaisir de venir. Du coup, on se dit au mois prochain avec une émission. Alors, on la promet tous les mois, hein, l'émission sur les cheat codes. Voilà, il y a aussi peut-être celle avec LTP sur Asimov, mais on sait pas, on va essayer que ça se fasse ou pas. Oh, comment tu spoil des trucs qui sont non, on l'a déjà dit avant, t'écoutes pas les émissions. Je crois qu'on l'a dit dans celle qu'on a pas diffusée. Voilà. On l'a dit dans la F4 Noël. On l'a dit dans la 8 aussi, mais on s'en fout. Ouais, bref, on le dit tout le temps de toute façon. Un jour elle arrivera, sachez-le. Il y a peut-être aussi un crossover comme Jésus sur voyage temporel. Voilà. Mais c'est pas sûr non plus. Donc en gros, rien n'est sûr. Restez sur les gardes, aux aguets tout le temps. La F4 arrivera à un moment ou à un autre. J'allais dire un truc trop chaud. Parce que là, on a eu le quota, là. C'est bon. Bref. À bientôt. On vous fait des bisous. On vous embrasse. Merci au pire. Allez écouter cette QSD. Allez acheter JV en kiosque. Eh ben, évidemment. Évidemment. Parce que c'est bien. Vraiment. Rendez-moi riche. Évidemment d'être un chômeur. Merci. C'est cool. Non, en vrai, c'est bien. Allez-y. Même sans la pub. Et donc voilà. Allez-y. On fait des bisous. À bientôt. Et n'oubliez pas sur iTunes. Abonnez-vous. Mettez-nous 5 étoiles. On va niquer ce bâtard de rookie. Allez. Bisous et à bientôt. Ciao. Salut. Salut tout le monde.